les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous et bienvenue dans Sport & Chill. Nous sommes le lundi 10 décembre 2018 et c'est la 14e émission de cette saison 4 de Sport & Chill. On a à peu près à la moitié, hein. La moitié sera la semaine prochaine avec notre émission spéciale quiz. Attention, c'est une émission que tout le monde attend et que tout le monde veut gagner d'ailleurs. Que j'assisterai avec Romain qui est avec moi ce soir. Bonsoir Romain. Et bonsoir, ravi d'être de retour avec vous après une doublette magique qui a bien fonctionné la semaine dernière. C'est vrai, une doublette magique avec Guillaume qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et avec Yacine qui vient d'arriver, je laisse le temps de s'installer. Pour l'instant, oui c'est vrai, je présente nos autres chillers du soir. Et là je vais vous surprendre sur les prénoms parce qu'il y a de la diversité ce soir. Il y a un Romain et un Guillaume. Bonsoir messieurs, comment ça va? Très bien, très bien. Très bien, et c'est la première ou pas pour... Non. Non, moi j'ai déjà une émission Romain, ici. Romain a déjà une émission ici, tu peux la citer d'ailleurs si ouais, tu veux. Ouais, c'est dans le sillon tous les mercredis de 21h à 22h. Voilà, la petite pub est faite. Et Guillaume, est-ce que c'est la petite première à la radio ou pas du tout? Je crois que je suis déjà venu pour la saison 2, peut-être, 1 ou 2. La saison... Je pense une fois dans chaque saison en fait. La 1 et dans la 2. Voilà, c'est régulier en tout cas. Pour du rugby à chaque fois, bien sûr. J'ai un petit contrat une fois par saison. Ouais, voilà. Contrat ponctuel. Et il y a Yacine qui vient d'arriver. Bonsoir Yacine. Bonsoir à tous. C'est ta première respire Yacine. Je ne pense pas, ça ira. Allez, ce soir on va parler donc de championnat de hand féminin, évidemment, d'Europe de hand. La NBA, la Coupe d'Europe de rugby, les sports d'hiver, ainsi que de la Ligue 1 pour le foot. Et au niveau des autres sports, il y aura un peu de Pro A, de Ligue A en volée et de la Ligue 2. On va parler un petit peu de Ligue 2 très rapidement aussi. Sinon, dans les sports montpelliérains, on va faire le petit bilan ainsi que le focus sur le MHB qui a joué d'ailleurs hier contre le Paris Saint-Germain. Et sur le débat, un débat assez multisport pour finir cette année sur le meilleur ou la meilleure sportive ou sportif de ce 21e siècle. Attention, c'est une Français ou un Français, un Français ou une Française, décidément, et d'un sport individuel. C'est important de le préciser également. Et on finira aussi par le quiz ainsi que le duel entre Yacine et moi ce soir. Allez, bah, sans transition, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Et on va commencer par les championnats d'Europe de hand féminin qui se passent, donc qui ont lieu en France en ce moment. Ça joue d'ailleurs, ça a joué, mais ça jouera à 21h ce soir pour l'autre groupe de la France. D'ailleurs, on va commencer par l'autre groupe, justement, je le précise, donc c'est l'Espagne, la Roumanie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Allemagne ainsi que la Hongrie. Les Pays-Bas sont pour l'instant donc en tête du groupe, deux de ce championnat d'Europe, surprenant car il y a quand même des têtes d'affiche dans ce groupe derrière et que chez les masculins, le hand n'est pas le sport national aux Pays-Bas. Non, voilà. Et pas du tout même. Moins surprenant tout de même car les Pays-Bas restent solides ces dernières années dans ces compétitions mondiales, 4e aux Jeux de 2016, 3e au dernier championnat du monde et vice-championne d'Europe en 2016. Derrière et donc en deuxième place et plus largement surprenant, c'est la Roumanie, une nation émergente du handball féminin et qui prouve que c'est une nation sur laquelle on doit compter cette année. Et enfin deux mastodontes derrière, la Norvège avec l'attente du titre évidemment et l'Allemagne qui a justement battu la Norvège pour leur match d'ouverture à eux deux. Et pour rappel, il n'y a que deux places qui sont qualificatives pour ces demi-finales. Donc un groupe très homogène et assez surprenant pour l'instant. La Norvège qui fait sa star, la Vegas star Nora Merck, tandis que la Roumanie, elle mise beaucoup sur la vitesse et notamment, on n'en parle pas assez, mais compte dans ses rangs la, je crois, triple meilleure joueuse du monde. Triple nommée meilleure joueuse du monde. Donc une équipe à ne pas sous-estimer. Quant aux Pays-Bas, c'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, qu'on avait éliminée, je crois, aux Jeux Olympiques à Rio en demi-finale. Donc une poule serrée, mais comme tu l'as dit, moins relevée que celle dans laquelle on a été confronté pour l'instant. On peut parler un peu plus en profondeur du groupe de l'équipe de France avec la Suède, le Danemark, la Russie, le Monténégro et la Serbie. L'équipe de France a hier accroché le nul contre la Suède 21-21 qui les place en deuxième position derrière les Russes. Les Françaises étaient menées un bon petit moment dans le match. Et même pouvaient gagner à la fin. Ils ont arraché quand même tout de même le nul. Seul match d'ailleurs contre les Russes, première que les Françaises ont perdu, c'était lors du match d'ouverture. Ce match nul est important puisque la France a toujours son destin entre ses mains, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu défaite du coup hier. Donc derrière les outsiders, le Danemark, Monténégro et surtout la Serbie, qui sera d'ailleurs le dernier match de l'équipe de France, qui pourrait donner peut-être le dernier demi-finaliste de ce championnat d'Europe. Est-ce que donc selon vous, ça serait une déception que les Françaises... qui sont à domicile ne puissent pas aller tout au moins en finale? Ouais, pour moi ce serait une immense déception, surtout qu'elles sont championnes du monde en titre. Après je pense que là le format des poules fait que après c'est championne du monde en titre dans le handball, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais le championnat d'Europe est plus compliqué que le championnat du monde. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. T'as raison. Mais oui, donc le format de la compétition avec une deuxième phase de poule où tu comptes les matchs que tu as joués, mais pas contre les équipes qui sont renversées. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est énervé. C'est un format qu'on retrouve aussi chez les hommes, qui est incompréhensible. C'est nul, parce que tu essaies de faire émerger le handball médiatiquement, tout ça, et les gens comprennent rien. Enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, je pense que les Françaises, du coup, elles payent un peu ce format-là, parce qu'elles ont un dernier match décisif à jouer. Les Russes et les Serbes n'ont joué que deux matchs. Enfin, hier, elles avaient joué un match de moins. Ouais. Voilà, elles ont un match de moins. Donc elles peuvent passer devant, c'est pour ça que le match contre la Serbie est décisif alors qu'il ne devrait pas l'être dans une phase de poule normale. Mmh. Après je pense que contre la Serbie elles peuvent gagner. C'est encore à Metz ? Il faudrait vérifier, je ne Il me semble qu'il n'y a que la phase de poule qui est à Bercy, la phase finale qui est à Bercy. La phase finale qui est à Bercy, sûr. Donc je pense que non, normalement ça doit passer, elles auront 3 jours de repos. Puis d'ici là peut-être que les résultats aussi feront que le match aura moins d'intérêt. Concrètement, l'adversaire à éviter, et je pense qu'on retrouvera dans le dernier carré, voire certainement en finale par rapport à cette dynamique, c'est la Russie. La Russie, oui. Qui nous a joué des tours il y a 2 ans, puisque c'est cette équipe qui nous prive de la médaille d'or à Rio. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, un échec, ne pas être en demi-finale serait un échec, et je dirais même ne pas être en finale serait un échec. J'irais peut-être un peu trop loin, évidemment, mais je pense que la Suède... On est revenu, mais encore, on aurait pu gagner à la dernière seconde, ça s'est mal passé. On a au moins réussi à tenir le nul et à rester en vie. La Serbie, à mon avis, ne causera... Enfin, je pense qu'on va battre les Serbes, et que la Serbie est peut-être l'équipe la plus faible de la poule dans laquelle on est en jeu. Ne pas être en demi sera un échec total, oui, pour moi. Ok, peut-être Romain, tu avais une dernière... Oui, je confirme le constat qui a été fait, parce que... au vu tout simplement des performances des Françaises ces dernières années, qui ont été capables de se hisser jusqu'au titre mondial et être vice-champion olympique. Et lorsqu'on voit aussi le fait que tout simplement nous sommes dans une compétition où on est chez nous, en France, elles se doivent, et je sais que c'est leur grand objectif, d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et du fait des forces en présence, même si elles ont un parcours pour le moins un petit peu irrégulier, mais solide, on se doute bien que la performance logique pour cette équipe, ce serait d'aller chercher une finale. Et puis le titre, bien sûr, ce serait encore plus beau. Tu peux continuer d'ailleurs, Romain, sur un deuxième sport qu'on va évoquer ce soir. C'est la NBA, ça continue toujours la saison régulière. Oui, la saison régulière de NBA qui continue. On arrive à peu près maintenant pas loin du tiers de la saison, sachant qu'on a à peu près 80 matchs. Peut-être quelques enseignements à tirer. De... Et il y a des premiers enseignements à tirer. Je dirais qu'à l'Est, une hiérarchie commence vraiment à s'installer désormais, sachant qu'on a un trio de tête qui tient depuis quelques semaines, composé de Toronto en tête, qui est d'ailleurs leader de la Ligue, hein, avec le meilleur bilan, 21 victoires, 7 défaites. devant Milwaukee et Philadelphie. Et même au niveau des places suivantes, on retrouve des équipes qui commencent vraiment à s'affirmer et qu'on risque de retrouver dans les 8 d'ici à la fin de la saison. Je pense à des équipes comme Détroit, Indiana ou Boston. Boston qui a d'ailleurs une meilleure semaine, eux qui avaient un bilan pour le moment un petit peu en dessous des espérances, sont remontés à la 5e place. Du côté de l'Ouest, par contre, on a une situation tout à fait différente avec une situation, j'ai envie de dire, de... passionnante et en même temps qui ne permet pas de visualiser une hiérarchie, sachant que Golden State, si eux ont repris leur marche en avant avec notamment le retour de Stephen Curry, et sont en tête de la conférence, qu'ils dominent devant Oklahoma et Denver, une des équipes surprises de ce début de saison. Et à l'inverse, derrière, on a de nombreuses équipes qu'on verrait, je pense, dans les 8, qui sont en dehors de ces 8, mais aussi parce que les bilans sont très proches. Tu le dis effectivement, comme les San Antonio Spurs, mais aussi le Utah Jazz de Rudy Gobert, pour parler des Français, ou Houston qui était la grosse armada de la saison dernière avec Golden State de James Harden, qui est à l'avant-dernière place, donc 14e sur 15 de la conférence. Est-ce que c'est Phoenix. Vraiment inquiétant On peut dire que c'est relativement inquiétant, notamment pour Houston, qui enchaîne les contre-performances dernièrement. Et puis même pour les Spurs ou Utah, ce sont deux équipes, ou même encore la Nouvelle-Orléans, qui peinent à trouver de la constance et qui ont pour le moment un bilan légèrement négatif. Après, on sait, voilà, qu'en NBA, la saison est longue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut se dire aussi que certaines équipes en forme jusque-là, surprise, Denver, Memphis, pour ne citer que, risquent aussi d'avoir des passages à vide peut-être dans la saison, alors que les grosses armadas risquent de se réveiller peu à peu. Mais bon, on a certaines équipes en tout cas qui semblent avoir un petit peu plus de difficultés à avoir leurs automatismes et qu'on voyait sans doute beaucoup plus haut et qui sont en difficulté. Côté français, ça a été une semaine aussi contrastée, sachant que Rudy Gobert a été notamment exclu après 3 minutes de jeu contre Houston, ce qui a pu empêcher son équipe de l'emporter. Il a un petit peu pété un câble. Visiblement, il a des petits problèmes avec les arbitres de la NBA. Moi qui ne suis pas la NBA et j'ai vu l'image, c'est qu'il a vraiment pété un câble. il est sorti de seconde. Assez rapidement. À l'inverse, la semaine, j'ai envie de dire, c'est bien terminé pour deux de nos Français. C'était un petit peu un match qui passait dans la nuit dernière aux oubliettes si on n'est pas français, mais c'était le match qui opposait Charlotte à New York, sachant qu'on avait d'un côté Tony Parker et Nicolas Batum, et de l'autre Frank Ntilikina qui... Redis Ntilikina. Ouais, c'est ce que j'ai dit, non? Non, mais c'est parce que c'était compliqué. Ouais, non, voilà. Il est compliqué à prononcer, son nom, on en convient. Qui était d'ailleurs en difficulté dernièrement je pourrais le redire si tu veux d'ici à la fin de mes propos. Qui était en difficulté cette dernière semaine avec les Knicks et qui a réalisé sa meilleure perf en carrière, tout simplement, cette nuit. Donc, comme quoi, il a du mental, le garçon, avec 18 points. Alors que Tony Parker, du côté du coup de la franchise vainqueur, sachant que Charlotte s'est malgré tout imposée, a réalisé aussi 16 points, 2 passes, 2 rebonds. Donc bien pour celui-ci. Franck qui s'est fait exclure par 6 fautes aussi à la fin de la prestation. Ouais, donc effectivement, Franck, comme tu le dis, ouais. Ntilikina, voilà, qui a aussi, maintenant, je pense, besoin de prendre la mesure de ce qui est le plus haut niveau, arriver à trouver de la constance sur un match complet et qui, en tout cas, n'a pas son statut dans le sac majeur des Knicks, pourtant il est équipé en difficulté. Ouais, voilà, le pauvre, il a commencé sa carrière en Knicks. Ouais. Pas ça. Bah, il a NBA, d'accord, mais c'est bien. Il y a quelques années, c'était intéressant, les Knicks. C'est une franchise historique avec le Madison Square Garden, qui est quand même un des parquets les plus connus de la NBA. Et pour autant, c'est difficile pour celui-ci. Il n'est pas indiscutable et je pense que c'est un sport qui demande vraiment de la confiance, notamment à son poste. Et il en manque cruellement dernièrement. Donc, malgré les 6 fautes que nous signale Guillaume, c'est vrai qu'ils font exclure. J'espère pour lui en tout cas que les 18 points lui permettront de repartir de l'avant et de retrouver sa place dans le 5 majeur. Parfait, on va passer à un autre sport qui va plaire à Guillaume, je pense. C'est la Coupe d'Europe de rugby. Notre nouveau Guillaume. Hein, parce que, j'aime bien aussi. T'aimes bien aussi, ouais, je sais. Et c'est Yacine qui nous présente un peu cette Coupe d'Europe qui a eu lieu ce week-end. Oui, alors on avait notamment au niveau de la poule 1 une victoire de Toulouse, décidément en grande forme du côté des Wasps, 24-16. Alors essai de Colbe et de Sofiane Guitoun avec notamment aussi 4 pénalités pour Ramos. C'est une première place pour le Stade avec 12 points devant le Leinster. Qui est à 10 points, qui est parti gagner à Bath. Bath qui est à 5 points, les Wasps bon dernier avec 3 points. Donc le prochain match des Toulousains sera la semaine prochaine, oui c'est ça, face aux Wasps à Ernest Vallon. Donc Toulouse en grande forme, comme je le disais, avec 12 points. Ensuite la poule 2, défaite logique des Castrés à Thomond Park face au Munster 30-15. Donc là clairement une équipe qui était injouable. C'est Martin Lavaux qui a inscrit le seul essai Castrés en toute fin de match à la 81e. Les Irlandais restent invaincus dans cette compétition et quasiment tout le temps. Dur de les gagner en Irlande. Oui, je crois qu'ils ont perdu quoi 2-3 matchs depuis la création de la Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est quasiment impossible d'y gagner. Le Munster qui est 11 points après 3 journées, Gloucester qui suit avec 8 points, Castres 5 points et petite surprise malgré tout Exeter qui est bon dernier avec 3 points alors que ça fait 2 ans qu'Exeter il y a 2 ans je crois, et puis je crois que c'est les Saracens cette année mais il faudrait vérifier, j'en suis pas sûr. Les Saracens, ils sont Exeter et 2e de la première chips, voilà. Donc c'est un peu décevant comparé à leur performance en championnat d'Angleterre de les voir dernier de la poule, c'est ça. On se pose des questions après on voit la Coupe d'Europe est un autre monde que le championnat. Exactement. Donc la contre-performance d'Exeter fait que les Castrés peuvent encore y croire à la qualification. Il reste encore 3 journées. Il faudrait qu'ils gagnent à Exeter et face à Gloucester lors de la dernière journée. Je ne compte pas le match face au Munster dont on peut difficilement espérer un miracle la semaine prochaine, mais on ne sait jamais. Donc Castres avec 5 points, 3e. Ensuite, au niveau de la poule 3, lourde défaite du Loup face à Glasgow, 22-42. Ça fait mal. C'est un zéro pointé toujours pour le Loup dans cette phase de poule 2018-2019. 3 essais, malgré tout, Signanek, Aitessi, McLeod et Arnold. Les Saracens, champions d'Angleterre en titre, sont à 14 points. Les Écossais sont à 10 points. Et Cardiff à 4. Enfin, au niveau de la poule 4, parce qu'on parlera du MHR après. Festival offensif du Racing face aux Tigers, 36-26. Le bonus offensif est pris puisque 5 essais ont été marqués, notamment avec un essai d'Imov de Vakatawa ou de Simon Zebo. Le Racing qui pour l'instant écrase sa poule avec 14 points, l'Ulster qui suit avec 9 points, le Leicester 6 points et les Scarlet 2 points. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que actuellement avec cette tendance, messieurs, est-ce qu'on peut espérer quasiment un sans faute pour les clubs français, hormis le Loup? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que les deux clubs français de la poule de Montpellier passent? J'en doute fortement, non? Montpellier, ça va être compliqué. Si on doit faire un résumé... L'absus révélateur de Montpellier qui n'est pas français, ça? Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit. Non, si on doit faire un résumé, je pense qu'il y a deux équipes qui sont en ballotage favorable, c'est le Stade Toulousain et le Racing, sachant que le Stade Toulousain est une poule très relevée avec que des champions d'Europe en titre... Les Wasps qui sont double champion, le Stade Toulousain 4 fois champion, Leinster 4 fois champion. Leinster qui a une défaite comparé au Stade Toulousain qui en a 0, mais ils sont seulement à 2 points. Donc là, le Stade Toulousain est en ballotage favorable, mais rien n'est fait parce qu'il reste encore 3 matchs et donc le Stade Toulousain peut très bien se faire éliminer malgré une performance exceptionnelle encore sur les prochains matchs. La seule équipe qui est en forme, qui est en ballotage très favorable et je pense qu'il passera en quart de finale, c'est le Racing. Donc avec une poule un peu plus faible et qui domine bien son sujet. Après, les autres équipes, Castres, Montpellier, Toulon et Lyon, vont passer à la trappe, pour sûr. La question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a une équipe qui va survivre? Tu dirais que Castres, c'est déjà d'ores et déjà plié? Ah, Castres, je pense que c'est d'ores et déjà plié parce que... Il y a un syndrome Castres en Coupe d'Europe, j'ai l'impression. Oui, c'est la première année où ils jouent vraiment la Coupe d'Europe. Ils ont annoncé leur objectif, mais ils n'ont pas le niveau. Après, pour moi, Castres, champion de France, c'était une première aberration. Après, ils l'ont mérité. Mais le jeu qui prodigue, c'est pas du tout un jeu en équation avec la Coupe d'Europe et je pense pas que ça les amènera en quart de finale de la Coupe d'Europe. Castres, c'est la même chose, éliminé en première dans les poules et puis sixième à la fin. Le souci c'est qu'ils ont un statut à assumer, ils sont champions de France déjà par deux fois dans ces dernières années. Là pour l'instant, c'est pour ça que j'avais posé aussi la question en guise de petite provocation également, c'est que les contre-performances des clubs qui suivent pour l'instant laissent Castres en vie. Bon, ça va être difficile, mais ils peuvent malgré tout y croire s'ils sortent des prestations XXL, ce qui n'est pas l'habitude des Castrés en Coupe d'Europe, loin de là. Quant au Racing, oui, donc le Racing est une drogue, c'est meilleure chance. Sachant que pour passer, il faut se qualifier premier de sa poule ou meilleur, ou les deux meilleurs deuxièmes, et n'ayant pas pris de bonus défensif au Munster, je pense que les carottes sont cuites. Oui. Romain, tu voulais peut-être réagir très rapidement. Ouais, juste, j'allais dire surpris, on va peut-être pas exagérer, mais je suis étonné que tu condamnes directement et définitivement Toulon et Montpellier. Certes, je les vois pas aller loin s'ils accrochent une qualification, mais au vu, en tout cas d'un point de vue comptable, tout est encore jouable. Après, ce qui risque d'arriver à ces deux clubs, c'est qu'ils risquent de partager les points. J'ai envie de dire, Toulon a gagné le match aller ce week-end, et Montpellier recevra le week-end prochain et a, je l'espère, toutes ses chances de s'imposer. Donc à partir de là, ça risque de profiter aux clubs anglo-saxons et enterrer, comme c'est déjà arrivé, les deux clubs français étant dans la même poule. La grosse déception étant que voilà, MHR et Toulon sont dans une poule un peu en carton, quoi, avec Édimbourg, et c'est Édimbourg et Newcastle, c'est ça. Donc voilà, Newcastle, ils sont dans les derniers du championnat, et Édimbourg, voilà, c'est pas fameux, mais on se retrouve 3 et 4 après la phase aller. Ouais. Ça, c'est une grosse déception, et c'est la plus grosse déception de la Coupe d'Europe pour l'instant. Très bien, sur ce point, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs du MHR dans les sports montpelliérains. On va passer à un autre sport phare, hein, c'est le football. Et on a choisi de parler de Ligue 1 aujourd'hui, ça ravira là cette fois-ci un Romain. Ouais. Guillaume, vas-y, je t'en prie, pour parler un peu de Ligue 1. Oui, la Ligue 1 qui a été tronquée ce week-end avec l'annulation de 6 matchs dû aux manifestations des Gilets jaunes et de l'impossibilité d'assurer la sécurité des rencontres. Donc il y a eu 4 matchs ce week-end, la victoire d'Amiens à Guingamp 2-1, Rennes qui a battu Dijon 2-0, le match nul de Lille qui arrange Montpellier face à Reims, un but partout, un match nul arraché à la 93e, et le match nul entre Strasbourg et Caen, 2 buts partout. Mais on va plutôt s'attarder sur ce qui s'est passé cette semaine. Oui, parce qu'il y a eu des matchs aussi cette semaine. Voilà, il y a eu une journée de championnat en semaine, alors les résultats pêle-mêle comme ça, Monaco qui a battu Amiens 2-0, qui se relance, Bordeaux qui a battu Saint-Etienne dans un gros match, 3 buts à 2, Rennes qui allait battre Lyon 2 buts à 0 avec le nouvel entraîneur Julien Stéphan qui, le fameux choc psychologique a l'air de marcher. La défaite, le nul de Strasbourg pardon, face au PSG qui enchaîne un deuxième match nul consécutif après Bordeaux dimanche dernier. Et enfin, on va s'attarder dessus, la défaite de l'Olympique de Marseille face à Nantes 3 buts à 2. Marseille qui a concédé, il me semble, sa déjà 6e défaite de la saison en Ligue 1, ce qui est déjà plus que toute l'année dernière. Et une question, messieurs, est-ce que le seul ou le principal coupable de la situation de l'OM est Rudy Garcia? Rudy Garcia qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal dans ses deuxièmes saisons, voire même troisième. Moi je pense que c'est plus un tout, tu vois, parce que rien que déjà au niveau de la politique de recrutement de Marseille, quoi, c'était vraiment, enfin, y a pas, les attentes n'étaient pas du tout remplies, quoi. On annonçait Balotelli, on annonçait toujours un grand attaquant. Il y a rien eu, quoi. Ils ont Germain et Mitroglou en attaque. Après, on n'a rien contre eux. Mais un gros, quand même, qui est Strootman. Strootman, il est vraiment. Il est vraiment de son niveau. Du coup, Strootman, c'est son choix parce qu'il l'a connu à la Roma. Donc, c'est lui là, vraiment qui l'a choisi. C'est pas Zubizarreta. C'est lui qui a la main sur le mercato de l'OM. C'est lui qui a dit en début de saison on n'a pas besoin d'attaquant. Je trouve que ça fait beaucoup. En même temps, avec les performances qu'il a fait l'année dernière, il avait de quoi appuyer ses choix-là de recrutement. Ouais. Après, je sais pas si on l'a vraiment imposé des joueurs ou si c'est vraiment lui qui l'a choisi, mais il a quand même un staff technique qui recrute derrière, quoi. Et je pense que même avec le président, il a des joueurs qui sont peut-être imposés et qu'après, comme faveur, le président lui laisse quelques recrutements à faire lui-même. Ouais. Donc le choix de Strootman, mais après Strootman, il est vraiment en deçà de son niveau à l'AS Rome où il était vraiment excellent cette année. Et c'est vraiment un peu plus difficile pour lui. Peut-être après, c'est aussi à la saison d'acclimatation, quoi. Mmh. Parce que la Ligue 1, c'est vraiment un championnat différent de la Serie A, quoi. Enfin, faut prendre ça en compte aussi, je pense. Oui, c'est clair. C'est un gros changement pour Kevin Strootman. Pour autant, on peut être extrêmement déçu, en tout cas. D'autant plus pour ceux qui supportent l'OM, on a Alex notamment qui n'est pas présent ce soir, qui doit être bien déçu. Les Alex d'ailleurs, les deux Alex. Et Kevin et Jordan. En fait, Sporting Shield était Marseille à une époque. Hein. Ouais, bah, voilà. Après, on s'en passe bien ce soir, mais bon, c'est un autre débat. Les pauvres, ils sont pas à l'aise. La bise, les gars. Mais justement, j'allais dire, c'est une période difficile pour les supporters marseillais parce que les résultats ne sont pas là. Dans le jeu non plus, je ne pense pas qu'ils les font particulièrement vibrer, ou sinon je m'inquiète. Rudy Garcia, en tout cas, a sa part de responsabilité dans le bilan actuel de l'OM pour moi. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves au plus haut niveau, que ce soit en Ligue 1 ou dans d'autres clubs, notamment dans l'AS Rome de Kevin Strootman. Et Le Mans. Mais pas Lille, hein. Oui, bon. Mais à côté de ça, comment dire, l'année dernière, il a fait un résultat qui était tout à fait encourageant, surtout avec l'effectif qu'il avait, et puis cette finale d'Europa League. Et on sent qu'il a du mal à faire prendre maintenant ce virage à cette équipe pour qu'elle passe un palier supplémentaire. Elle a même eu tendance, pour le moment, en tout cas sur ce début de saison, à donner des signes de régression. Et ça, sur la durée de la saison, ça peut un petit peu plus inquiéter. Oui, Yacine. C'est toujours la question qu'on avait avec Rudy Garcia, c'est la fameuse deuxième saison. Est-ce qu'il a les épaules, et encore plus à Marseille, évidemment, avec l'environnement qui est particulier dans cette ville, dans cette institution. Moi, est-ce que, comme tu l'as dit, Guillaume, je te rejoins entièrement sur le fait que ça commence à faire beaucoup entre ses déclarations, on n'a pas besoin d'attaquant, sur le fait qu'en effet, la direction lui a laissé plutôt une belle marge de manœuvre pour le recrutement et qu'il a. C'est lui aussi. Voilà, qui n'a pas forcément tenu à bouleverser l'effectif qui avait fait un beau parcours en Europa League l'an dernier. Bon, moi, je persiste à penser qu'il y avait dès le début de saison des failles à plusieurs postes. Tu ne peux pas te contenter de garder Rolando en défense centrale ou Bocan, c'est pas possible. Il faut dégraisser et s'activer directement sur le marché des transferts. Ça fait très longtemps qu'à Marseille, la cellule de recrutement aussi a eu beaucoup de mal ces derniers temps à trouver des petites pépites. J'estime que l'avenue de Tchaïta Tchar, par exemple, même si c'est son choix, j'ai pas envie de tout incriminer directement sur le joueur. J'ai envie de voir un peu ce qu'il va pouvoir prouver peut-être dans les futurs mois, le temps d'acclimatation, etc. Donc le principal fautif est pour l'instant Rudy Garcia, et j'ai envie de dire qu'il continue un peu à s'enfoncer, lors de ses dernières communications. J'ai l'impression que, voilà, comme d'habitude, c'est toujours la faute des arbitres, c'est la faute des joueurs, c'est jamais sa faute. Ça commence à devenir pénible. Moi, j'avais tendance aussi à incriminer aussi les cadres de l'Olympique de Marseille, parce que généralement, dans un club de foot, quand un entraîneur a du mal, à un moment, les cadres prennent le relais. Je voudrais parler surtout de Mandanda et de Payet, qui devraient être les cadres de l'Olympique de Marseille par leur ancienneté et par le talent qu'ils ont eu. Mandanda, qui sort d'une Coupe du Monde, qui devrait être en pleine forme et qui fait la pire saison de sa vie. Je pense que c'est peut-être vers la fin pour lui, malheureusement. Depuis Crystal Palace, il n'est plus. Et Payet, qui à la rigueur a fait une bonne deuxième partie de saison l'année dernière et qui cette année n'assure plus, tout simplement. Bah, oui. On a tendance à résumer un petit peu l'Olympique de Marseille par Thauvin dernièrement. Ouais. Est-ce que c'est problématique aussi que les cadres n'arrivent plus à tenir l'Olympique de Marseille? Et Luis Gustavo aussi qui a fait une saison. Il y a même Rami aussi. Il y a même Rami que tu peux mettre aussi dans le. Ouais, Rami aussi. Tous les cadres en fait, ils répondent pas. Mais c'est vrai, ça aussi, c'est pas. Faut être honnête, c'est pas que du cas de la faute de Rudy Garcia si les cadres ne répondent plus. Payet, je pense qu'il y a une question aussi d'âge, d'hygiène de vie. Il est tout le temps surpoids. Rami, je sais pas si c'est la Coupe du Monde ou pas, mais il fait pas la même saison que l'année dernière. Luis Gustavo, Puis l'âge aussi, on peut en parler aussi de Rami avec l'âge. Oui, là, je commence à servir aussi. Il a 32, je crois, 31. Après, pour la Ligue 1, n'est pas Hilton qui veut. Oui, clairement. Après, c'est vrai qu'en Ligue 1, ça doit suffire, mais. Par rapport au rendement de l'an dernier, le plus décevant, ça reste plus Gustavo. Parce que clairement, il avait tellement porté l'équipe à lui tout seul l'an dernier qu'on ne peut pas tout remettre sur d'autres joueurs. En effet, c'est lui qui a déçu principalement. Et comme on le dit, c'est vrai que c'est un truc dont on a eu tendance parfois à oublier. C'est que Payet à la base était leader technique avant que Thauvin arrive, donc c'est lui qui est censé tenir l'équipe. Il ne le fait plus depuis un an, voire un peu plus. L'an dernier il a fait 2-3 bons mois, ça y a pas de souci. Mais c'est tellement intermittent qu'on ne peut pas se faire un avis définitif sur le joueur. Pourtant il est censé être encore normalement à un niveau, enfin un âge où le niveau doit être performant, etc. Garcia fait partie d'un tout qui les joueurs ne répondent pas, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant la Ligue 1, quand tu vois leur effectif, Marseille c'est censé être top 3 très largement. Oui. Et brader l'Europa League à ce point aussi, c'est scandaleux. Voilà, on a parlé plus de l'Olympique de Marseille que de la Ligue 1, mais bon, ouais. On avait encore la place d'en parler d'ailleurs. Que de Marseille. On parlera tout à l'heure du. Pas là, les autres, on parle de l'OM, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. On parlera tout à l'heure du club d'ici, évidemment, le MHSC aussi dans les sports montpellierains. Moi, je voulais enchaîner sur les sports d'hiver car il y a eu des belles performances également ce week-end et cette semaine. On peut parler premièrement du ski de boss chez les féminines. Une certaine Perrine Laffont qui était championne olympique en Corée, qui s'est imposée ce week-end à Ruka en Finlande en ouverture de la saison avec un nouveau saut qu'elle avait jamais tenté d'ailleurs en compétition. Elle confirme son statut du haut de ses 20 ans. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, une future grande athlète. Ce que j'allais dire, peut-être une des futures à mettre dans un autre dans débat. Dans un autre débat plus tard, ouais, en effet. Dans quelques années, dans notre 21e siècle. Oui, Perrine Laffont qui a été exceptionnelle, faut-il le rappeler, au début de l'année lors des Jeux Olympiques. Première médaille d'or pour à 19 ans, pour si je me trompe pas, l'équipe de France. À 19 ans, effectivement. On était à l'Open Sud de France à ce moment-là, je me rappelle bien. Et donc Perrine Laffont qui éclabousse de son talent tout le ski mondial, même au-delà du ski de boss. Elle s'est fait sa réputation et maintenant je pense que pour les autres filles, il y a aussi une dimension mentale qui commence à rentrer en ligne de compte parce que épreuve après épreuve, saison après saison, elles montent un cran après l'autre et effectivement, elles s'affirment pour la saison et gagner dès la première manche de la saison, c'est un signe fort. Chez les messieurs, il y a 4 Français qui étaient engagés sur les bosses finlandaises. Seul donc Benjamin Cave qui a atteint la finale à 6 et qui départage les meilleurs. Donc, il a terminé deuxième derrière l'homme fort canadien de la discipline, Michael Kingsbury, qui lui a signé sa 50e victoire en Coupe du Monde, donc pas des moindres, et sa 8e consécutive sur la piste de Ruka. En biathlon féminin, semaine mitigée pour les Françaises, avec seulement une 17e place d'Anne Chevalier en 15 km le jeudi et une 12e place de Justine Brezage hier en poursuite. L'éclaircie de la semaine, c'était justement Justine samedi avec le 7 km 5 et la 3e place, ainsi que la 4e place de Julia Simon, une nouvelle arrivante dans le biathlon français féminin. Qu'on voyait plus en Coupe d'Europe la saison dernière, oui. Et chez les hommes, Martin Fourcade avait bien débuté la semaine des tricolores ce jeudi en s'imposant sur le 20 km, mais ce fut la dégringolade pour lui pour la suite, notamment un abandon hier à la poursuite. Néanmoins, d'autres Français ont pris le relais pour confirmer des performances. C'est le cas d'Antonin Guigona, premièrement ce vendredi avec une 2e place sur le 10 km, et aussi de Quentin Fillon-Maillet, même place hier avec la poursuite. Fillon-Maillet, donc Guigona, Destieux, Jacquelin, est-ce que ces biathlètes peuvent aller chercher plus que des podiums cette année toi? Ouais, moi je pense que oui, parce que déjà il va y avoir un certain nombre de manches dans la saison, on démarre à peine, et puis c'est quelque chose que j'espère, parce qu'on sentait un petit peu Martin Fourcade seul au monde dans cette équipe de France, par moment en tout cas, même si les relais ont toujours été forts, mais lorsqu'on était en épreuve individuelle, il baissait toujours de pied. J'ai l'impression que c'est toujours des bonnes performances, mais jamais de titres ou de podium. De victoires, en tout cas je les vois pas forcément enchaîner plusieurs victoires dans la saison, mais chacun être capable d'aller à des moments différents chercher une victoire, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet pour ce qu'on a vu cette semaine, c'est possible. Là ça s'est joué avec la photo finish contre Johannes Bö. Après voilà, on voit bien effectivement que quand Martin Fourcade est en méforme, les Norvégiens sont là, Johannes Bö pour citer que lui, et que ce sera compliqué et que les opportunités se feront rares, mais Guigona et Fillon-Maillet c'est tout à fait possible, et derrière cette méforme un petit peu inquiétante sur la fin de la semaine de Fourcade qui ne l'expliquait pas lui-même, de voir que le reste du contingent d'équipe de France est capable de réaliser des performances en son absence, c'est une nouveauté et c'est très encourageant. Après rajouter, Quentin Fillon-Maillet, c'est pas une nouveauté. L'année dernière, il performait déjà. Oui, même sur les JO. Je sais pas s'il a déjà décroché des victoires, je me rappelle plus. Non. Mais c'est quelqu'un qui est toujours bien placé et qui a lutté pour pas le podium, mais le top 5 du classement général de la Coupe du Monde pendant longtemps. Il était très bon jusqu'à la pause de Noël. Ouais. Voilà. Donc cette année, il est encore là. Est-ce qu'il va progresser sur la durée? Est-ce qu'il va progresser sur les résultats? Moi, je pense que oui, ça va venir. C'est la relève qui arrive, mais il faudrait que ça arrive dans les prochaines années, quoi. Faut que ça arrive assez vite, ouais. Assez vite, effet. Parce qu'à un moment, Fourcade va se fatiguer, quoi. En ski alpin féminin, pas de surprise, hein, Michael on Schifrin. Va dire. C'est étonnant. C'était un week-end super G, donc pour les femmes, et Michaela Schifrin s'impose samedi devant Lara Gut, et Tina Verrater. Schifrin évidemment sans concurrence au classement général, d'ailleurs à rebelote le dimanche avec une victoire seule au monde pour l'américaine. Côté français, à noter par exemple samedi la 24e place seulement pour Tiffany Gauthier. Une petite déception, assez loin au niveau du classement. Chez les hommes, slalom géant de Val d'Isère en France ce samedi avec la victoire encore une fois, le non plus sans surprise, de Marcel Hirscher, l'Autrichien, qui caracole en tête du classement homme. Notez qu'au classement, si on prend les 13 premiers, petite stat, du classement homme, il n'y a pas un français. Alors si, il y a un français, dans les 13 premiers, mais il n'y a qu'un français et un italien, tout le reste est suisse, autrichien ou norvégien. C'est quand même trois nations les nations fortes. Oui. Trois Suisses, quatre Autrichiens et quatre Norvégiens. Donc après, voilà. Ce classement est un petit peu dur. Sinon, il y a Adrien Théo et Dominique Paris pour les Italiens. J'avais parlé, je veux la stat quand même. Ouais, un petit peu, ouais. C'est pour ça que. Bon, oui, j'ai cru que tu allais nous citer une nation, mais il y en a non, trois. Non, c'est vrai. Mais bon, quand même. Après. Faut le faire. Hein. Quand on voit que du rouge sur les drapeaux des 13 premiers, tu fais oula. Mais tu fais bien de le dire. Je pense notamment à la Suisse, qui est une des nations de nouveau émergentes au plus haut niveau, qui sort des jeunes, Loïc Meillard, Odermatt, Didier Cuche, moins jeune, Zena Ozern, qui nous avait battu en finale du Team Event. Donc la Suisse sera vraiment à suivre cette année. Et après, cette stat est quand même un petit peu difficile avec nos Français. Certes, chez les filles, quand il n'y a pas Tessa Worley, il n'y a plus personne. Mais chez les hommes, on a encore montré dans slalom géant qu'il y avait de la réserve pour la saison. Justement, j'ai cette petite question, du coup, c'est très rapide au niveau de la réponse. 4e place de Pinturo ce week-end. Il a 10e place de Mathieu Fèvre pour le clan français. Est-ce que Alexis Pinturo était la meilleure chance de podium, voire de titre cette année pour le ski alpin français? Bah oui, pas mes femmes. Ah si, tu mets les femmes, il y a Tessa Worley. Que dans sa spécialité sur le général, non? Sur le gros globe, non? Mais oui, Alexis Pinturo, il n'y a que lui, encore, il gagne une fois tous les ans, donc. Ouais. Après, soyons clairs, hein, là on peut aller toute nation confondue, tu l'as dit, et on risque de se répéter souvent, ce qui ne fait pas toujours une bonne pub pour le ski et avoir envie de regarder, même s'ils sont magnifiques à voir. Schifrin et Hirscher chez les hommes seront sans doute intouchables. Après, meilleure chance au classement mondial, c'est sans doute Pinturo, effectivement, hommes et femmes confondus, et sa 4e place est plutôt de bon augure. Troisième, c'est pas bien, parce qu'on sait que la 2e place est trustée par Christophersen aussi. Aussi, donc je pense que vraiment l'objectif pour lui, c'est d'être 3e, et plus qu'être 3e au général, ça passerait un petit peu inaperçu, c'est de réaliser plusieurs victoires. Comme dit Guillaume, il nous en fait souvent une de temps en temps, et il faudrait un petit peu plus de régularité, et qu'il nous fasse tomber Marcel Hirscher de temps en temps, ça ferait du bien contre les Autrichiens. Après, je pense qu'on a une grosse chance avec Julien Alaphilippe, qui est très fort en descente. Moi, je pense qu'il pourrait se reconvertir. En effet. Du coup, Vincenzo Nibali aussi pour les Italiens, c'est ça? Pourquoi pas. Pour les autres sports, Romain, tu vas nous commencer très rapidement par un petit point Pro A en basket. Eh bien, un petit point Pro A, on en fait de temps en temps, ou la Jeep Elite pour faire plaisir à Yacine, qui voudrait l'entendre, je suis sûr. J'aime bien dire les petits sponsors. Voilà, c'est comme la Lidl Star League. Exactement. Donc, c'était la 12e journée, c'est le 2e point qu'on fait cette année sur la Pro A. Et donc, le leader actuellement est l'ASVEL, avec 10 victoires, 2 défaites. Ils se sont imposés de justesse ce week-end contre une équipe modeste, normalement du Portel 72-60. C'était le match décalé. Dans le cadre des autres matchs, Nanterre a battu Antibes ce week-end 78-73. Dijon s'est imposé contre Levallois 79-75. C'était d'ailleurs Dijon-Levallois l'affiche de la soirée samedi. Si les Franciliens de Levallois pensaient avoir fait le plus dur dans le troisième quart-temps en menant 57-44, les Bourguignons sont revenus au score pour aller chercher une précieuse victoire grâce à 4 joueurs à plus de 10 points. Gavin Ware, Axel Julian, Ryan Persson et David Holston, tous entre 13 et 14 points. Quant à Strasbourg, les Alsaciens se sont imposés assez nettement à Boulazac 79-62. Ils ont accéléré dans les 10 dernières minutes, mais voilà, l'équipe aussi de Boulazac, moins connue, a tenu pendant plus de 3 quarts temps. L'équipe de Strasbourg a été notamment portée par Jérémy Enzeli, 18 points, ou encore un joueur connu en équipe de France, Florian Pietrus, pardon, 8 points et 14 rebonds. En revanche, le champion en titre, c'est Le Mans, pour le rappeler à nos auditeurs, concède du terrain en s'inclinant à domicile contre Limoges 68-60. Les joueurs entraînés par Eric Bartoszewski ont raté leur premier quart-temps, 17-32, assez lourd, et ont traîné ensuite ce retard tout au long de la rencontre. Enfin, Gravelines s'est imposé sur le parquet de Chalon 102-100, et Bourg-en-Bresse est venu à bout de Cholet sur le score de 95-86. Avec leurs bons résultats, Strasbourg, Nanterre et Dijon emboîtent le pas au leader Villeurbanne, tous trois avec le même bilan, 8 victoires, 4 défaites. Et c'est donc l'ASVEL de Villeurbanne qui reste, au sortir de cette 12e journée, un solide leader et s'affirme dans la perspective du titre en fin de saison. Très bien, avant de te laisser continuer sur la Ligue A de volley, moi je vais faire mon petit point sur la Ligue 2 qu'on n'a toujours pas fait de ce début d'année. On en fait quelques-uns, on va faire 2-3 petits points dans l'année ainsi que la Pro D2 pour le rugby. Ça sera en Pro D2, ça sera plutôt pour le mois de janvier, donc l'année prochaine. Et donc ce petit point Ligue 2, d'autant plus intéressant qu'il y a eu pas longtemps les droits télé qui sont tombés pour les Ligue 2, qui passent de 22 millions à 64 millions pour la période 2020-2024. Une nouvelle qui ravit évidemment la LFP. Du côté purement sportif, on retrouve dans le top 5 des clubs qui ont côtoyé la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Lens. Ouais, Metz, Brest, Lens, Grenoble ainsi que Lorient. Mais c'est aussi inquiétant du côté du bas de tableau, parce qu'il y a aussi des équipes qui ont connu la Ligue 1 et qui sont plus dans la descente, comme Sochaux, Valenciennes ou encore Nancy, qui est 19e. Et Auxerre qui est pas loin de... Et Auxerre, qui frôle d'ailleurs la nationale Nancy. Ouais. Enfin, du côté régional, l'AS Béziers est 14e, qui va a priori aussi se battre pour la... Pour la descente en national, malheureusement. On parle Pro D2, du coup, c'est ça. ce qui sera pas mal à faire de ce. Je trouve qu'ils se débrouillent bien, Béziers, quand même. Ils vont souvent gagner à l'extérieur. Ouais. C'est un petit budget. Deux points de la. Ouais, c'est dur, mais. Moi, je pensais qu'ils seraient vraiment au fond de la classe. Voilà, et ils s'entendent pas mal. Ouais. C'est pas si mal. Et personnellement, donc. On va tenir. Pour la montée en Ligue 1, le FC Metz semble encore une nouvelle fois intouchable. Ils essaient de se stabiliser pour rester cette fois-ci en Ligue 1 et pas faire l'ascenseur. Tout comme Troyes d'ailleurs, qui est pas très loin au classement, qui est un spécialiste de la discipline. Il y a le Stade Brestois qui est aussi là, qui risque de remplacer un autre Breton qui risque de descendre sur le Guingamp. Et on a aussi le RC Lens, évidemment, hein, j'en parle, puisque supporter évidemment du RC Lens, un départ tonitruant et pourtant un manque de collectif qui se fait sentir après quelques journées maintenant. Ça va être compliqué pour le RC Lens, je les sens pas monter, mais je les sens peut-être pour les playoffs faire peut-être après, en Ligue 2, présent pour les playoffs. En Ligue 2, c'est pas le collectif qui compte. Hein. Donc, oui, je sais, mais là il y a vraiment. C'est la défense, le cartonnage et. Il y a un mec devant qui met 20 buts. Mais bon, leur science, c'est un collectif qui change régulièrement toutes les années. Donc, c'est qui le président maintenant, vu que Mertel il est plus là C'est le mec de l'Atlético Madrid. Azerbaïdjan. Ouais. Et puis il y a Roy, là, le mec de Nice. Mm. Voilà. Pour te dire un peu le niveau. Ah oui, d'accord, ok, oui. Eric Roy, pardon. Voilà. On voit que la direction est parfaitement gérée. Eric Roy doit être avec les jeunes ou la réserve, en effet. En effet, donc pas de réaction sur la Ligue 2. Allez, Béziers. Donc, juste une réaction que, oui, comme tu le disais, Metz a quand même de grandes chances de remonter. Ce qui m'enchante pas forcément, puisque c'est une équipe qui est habituée à faire la bascule. Ils vont redescendre l'année prochaine. Hein. C'est comme 3. Bon, moi j'espère sincèrement que les stacks ne montera pas, mais c'est pas contre eux. C'est juste que c'est une équipe qui n'a pas la structure suffisamment solide pour espérer, ou même qui a envie, j'ai l'impression, de rester en Ligue 1. C'est pas dans leur plan, c'était pas la tactique de Furlan à l'époque. Donc voilà. Non, mais ça va, ils sont 7e là à l'heure actuelle, donc t'as pas d'inquiétude. Ils sont 7e, mais il y a les playoffs. Ils sont à 3 points de Lens qui est 3e, hein, donc bon. Ça se joue. C'est quand même un championnat assez serré quand même. Hein. Il y a vraiment très peu de points d'écart. Hein. Il y a un petit nouveau aussi dans le haut du classement senior. Alors généralement, les petits nouveaux, ils n'y arrivent pas trop. Hein. Ils sont toujours là. Le PFC aussi, non ? On aurait pu. Ils sont pas loin ? Non, j'ai pas vu. Ah, le PFC 8e. Ouais, PFC 8e. Ils sont à égalité avec 3. Dans l'historique de la Ligue 2, il y avait toujours Clermont qui était un petit nouveau aussi, mais qui n'y arrivait jamais. Je trouve que c'est dans la loose de cette ville. Désolé pour les Clermontois. Je crois qu'on va finir là-dessus et on va laisser la place à Romain pour la Ligue A de voler, un petit point aussi là-dessus. Du coup, un petit point effectivement sur la Ligue A de volley. Celui-ci, c'est le premier que nous faisons cette saison. On avait la 10e journée de championnat. Et bon, il y a eu quelques petites roustes, ou quelques petits cartons, en tout cas sans suspense, avec la victoire de Rennes sur le parquet de l'Arago de 7, 3-7-0. On démarre en plus avec les équipes régionales, je suis désolé. 3-7, c'est marrant. Bon, on la laisse passer celle-là. Et donc Narbonne aussi qui a perdu également sur le parquet de Tours 3-7-0. C'est parce qu'il fait le quiz, on en relevait un point, je vous le dis. Nice s'est imposé également 3-7-0 sur le parquet de Nantes-Rézé. Montpellier a été défait sur le parquet de Poitiers 3-7-1. Chaumont s'impose contre Ajaccio. Donc là on avait un duel d'équipes bien classées 3-7-2. Et Cannes sur son parquet a été battu par Tourcoing, les nordistes 3-7-2. Pourquoi tu me regardes? C'est une équipe du Nord. Tourcoing, c'est pas trop souvent. Tu es le seul que je peux regarder à ce moment-là. C'est ainsi. Au classement, c'est Rennes qui est en tête. J'ai été surpris. Je ne connais pas le volet de très près, mais de voir Rennes en tête de la Ligue A de volet, c'était un petit peu surprenant pour moi. Devant l'équipe de Tours, ça c'est plutôt logique. Et Poitiers, justement, troisième, l'équipe qui a battu Montpellier. Rennes a une petite avance, sachant qu'ils ont 26 points. Tours 21 et Poitiers 20 points. Rennes a un petit match d'avance, un bilan très positif, 8 victoires, 2 défaites. Tours donc et Poitiers 7 victoires, 2 défaites. Montpellier est actuellement 7e et pour les autres équipes régionales donc j'ai cité, c'est un petit peu plus compliqué, elles sont juste devant la toute dernière place, sachant que Sète et Narbonne sont 11e et 12e place. Oui. Ça fait un peu la tête au niveau du volet. Et je reviendrai vous parler bien sûr de Montpellier un petit peu plus tard dans notre rubrique Montpellier. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Bah, d'ailleurs on va y passer tout de suite, c'est les résultats Montpellier 1. Sport and Chill, le sport Montpellier 1. Et pas glorieux non plus du sport montpellier, puisque c'est un bilan pour la première fois pas négatif mais semblable on va dire, avec 4 défaites, 2 matchs nuls et 4 victoires pour cette semaine à Montpellier. Les défaites surtout c'est chez les gros, on en parlera tout à l'heure, chez les gros clubs entre guillemets, hein, le MHB, MHR et MHSC, mais aussi chez le futsal qui n'est plus du tout impérial par rapport à son début de saison Tony Truant qui gagnait tout le temps. Là c'est le groupe B de la D2 futsal, défaite 4-2 contre Toulouse à l'extérieur. Le MMF reste toujours 3ème mais laisse les deux premiers s'échapper au classement, ce qui n'est pas bon pour l'accession en D1 l'année prochaine. Les deux matchs nuls c'est le waterpolo à Lille, je me regarde parce que c'est du Nord, voilà. 8 partout. Le MWP est 4ème de Pro A de waterpolo, ce qui est d'ailleurs la dernière place qualificative pour les playoffs en waterpolo, pour info. Et Tourcoing est bien classé je crois, non? Non, c'est Lille. Lille. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Voilà. C'est Lille. Lille Tourcoing. Hein. Lille Tourcoing. Ouais, je sais pas. Roubaix, bref. Bref, mais même si la saison est encore loin d'être terminée en waterpolo. C'est une émission sur le nord de la France. Oui, voilà. Le foot féminin, match nul également des filles du MHSC avec 2 buts partout contre Bordeaux. C'est à l'extérieur. Elles gardent leur place légitime, j'ai envie de dire, qui est une 3ème place en D1 derrière les mastodontes l'OL ainsi que le PSG féminin. Victoire cette fois-ci donc des Vipers qui tiennent bon dans cette D1 de hockey. Les promus sont 9e sur les 14 équipes de cette ligue. Ils ont confirmé ce week-end en s'imposant 2-1 à Cholet, donc à l'extérieur. Le BLMA qui gagne également après leur défaite par contre à Villeneuve-d'Ascq le week-end dernier, encore des nordistes décidément. Les gazelles voulaient se relancer en LFB et surtout maintenir leur invincibilité au palais des sports de Latte. Seulement Thibaut Petit, l'entraîneur, devait encore aligner un effectif décimé. Malgré cela, une victoire importante 83-68 contre Saint-Amand-les-Eaux. Encore dans le Nord, décidément. Je sponsorise le Nord. Elena Siak, MVP de la rencontre. Et pas de soucis non plus pour les coccinelles du MRC en rugby féminin. Victoire 55-7 ce week-end contre le Stade Rennais Rugby. Encore le Stade Rennais. Ah bah, cette fois-ci, plus dans la logique de la défaite. Hein, le MRC, promis de son groupe en première division. En petit plus avant de passer aux autres clubs, nous avions reçu il y a quelques semaines le 3MTKD. Le Taekwondo, champion d'Europe. Club de Taekwondo qui a fait une grosse performance en effet ce week-end lors de la Coupe d'Europe des clubs qui avait lieu en Espagne, et une première place champion d'Europe pour le Montpellier Taekwondo en classement masculin, donc rien que ça pour le club montpellierain habitué au podium mais qui là font une très grosse performance. On salue d'ailleurs Sébastien, Léa et Fidji qui étaient venus nous voir, félicitations à eux et au club. On va passer, avant de faire notre focus, on va passer à allez, le MHSC qui a joué un match mardi. Et je l'ai encore à travers de la gorge. Bien, non, pas bah oui, parce que c'était le gros match. Et c'est contre un club de quoi ? Du Nord. Ouais, tiens, Oui, contre Lille. Et pas le vrai club du Nord, on le sait. Hein. Évidemment. Une défaite 1-0 des hommes de Michel Derzakarian qui ont pris un but à la 6ème minute après. Bah, c'était prévu, hein, les Lillois ont eu deux occasions en 2 minutes, la 3ème a fait mouche. Et après, les Lillois bah, qui ont. Alors, on va pas faire les rageux, mais qui ont joué la montre dès la 7ème minute et qui ont essayé de pourrir le match en ne mettant pas de rythme. Et les Montpellierains. Ils ont bien fait, après, ils ont bien fait aussi. Hein. C'est le jeu. Je vous conseille les tweets de Guillaume Laval pendant le match. Non. Il y a des insultes. Ah. Pas pour les enfants. Mais conseille les miens aussi parce que je suis battu avec les Lillois. Et oui, donc les Montpellierains qui n'ont jamais réussi à se remettre de ce but encaissé très tôt. Alors, c'était un très beau match. Oui, ouais, on s'est régalé. On s'est régalé. C'était un très beau match de Ligue 1, alors que certains l'annonçaient comme une purge sur Canal+. Attention, Pierre Ménès va te bloquer sur Twitter. C'est déjà fait depuis 3 ans. Ça sera pas une grand-père. Oui, Montpellier qui a fait une bonne première mi-temps, mais qui a pas déjà eu beaucoup d'occasions. Ça faut le souligner, c'est rare parce que alors on a déjà marqué 25 buts dans la saison, on a beaucoup d'occasions, mais sur ce match-là, on n'en a pas eu beaucoup. Mais il y avait du jeu, il y avait du rythme, et après en seconde mi-temps, les Lillois ont géré, et on aurait pu même mener 2-0 sur un contre, enfin, les contres qu'ils ont très mal joué d'ailleurs. La situation au classement n'est pas dramatique puisque Lille passait devant pour un point. Oui. Et que Lyon a perdu. Que Marseille a perdu. Voilà. Donc tout était parfait pour nous. Le week-end a été bon aussi puisque bon, nous on n'a pas joué et on va jouer à Paris, donc c'est un match bonus qui ne comptera pas. On va perdre sûrement. Mais Lille a fait match nul. Donc Marseille se déplacera à Saint-Etienne, c'est pas gagné. Donc ouais. Là les deux pourraient aussi s'accrocher. Donc voilà, on avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines même que le match de Paris serait le match bonus, mais qu'il fallait gagner contre Lille et Lyon qui arrivent le 20 décembre. Du moins à Nantes. Donc voilà, maintenant cette victoire contre Lille qui n'a pas eu lieu, elle doit se reporter sur Nantes. C'est samedi à 20h. Voilà, j'ai pas de questions à vous poser, mais juste savoir ce que vous avez pensé de. On peut pas non plus trop réagir, Yacine. Voilà, je te laisse une petite réaction d'ailleurs. Oui, bah comme tu l'as dit par rapport au match, Lille qui entame très bien mieux que Montpellier les 10 premières minutes, qui une fois que Lille a marqué, c'est terminé, ils ont essayé de verrouiller. Lille a très bien défendu, Montpellier a eu malgré tout pas mal d'occasions qu'ils ont bon, soit avec un grand goal en face, soit vraiment eu beaucoup moins de réussite qu'à l'accoutumée. Comme tu l'as dit, un joker a été grillé, c'est pas forcément dramatique au vu des résultats de la journée en question. Une victoire à Nantes et un nul ou une victoire face à Lyon et tout est relancé, voire mieux, donc je suis encore confiant. La qualité de jeu était là. Voilà. Romain, tu voulais réagir aussi. Ouais, mais tu peux quand même avoir des regrets parce qu'à chaque fois Montpellier a loupé le coche pour la deuxième place, hein, quand même, ils ont perdu à Amiens 1-0. Et ça fait vraiment très mal. Angers. Et après. Angers, excuse-moi. Ouais, c'était contre Angers, ouais, j'ai confondu. Ouais, et à chaque fois, ouais, ils ont vraiment loupé le coche de la seconde place. Et en fait, on a l'impression que c'est assez récurrent en fait. À chaque fois qu'ils ont la possibilité, ben. Il y a quand même un petit blocage et même là on l'a vu contre Lille, hein, ils ont quand même dominé dans le match, mais c'était quand même des attaques assez stériles quoi. Et encore Montpellier a eu de la chance parce que les concurrents ont quand même perdu beaucoup de points à ce moment-là. Ouais. Saint-Etienne, je crois non, d'ailleurs c'est le seul qui n'a pas perdu de points. Si Saint-Etienne a perdu à Bordeaux. Ah oui c'est ça. Saint-Etienne, j'ai oublié. Donc, non, tout était parfait donc bon. Ouais, c'est dommage. Limite petit regret. En tout cas très belle partie. Ok Yacine, merci. C'est vrai, je me suis régalé. Conclusion dessus. Avant de passer au MHR, Romain, j'ai oublié de donner la parole pour le Mavic, pour le volley. Dans la continuité de la Ligue A de volley, juste pour resituer donc, cette défaite, hein, malheureusement, effectivement, du MCVUC contre. Maintenant c'est ça, MCVUC. Je vais être précis, du coup, contre l'équipe de Poitiers, 3-7 à 1. Une défaite un petit peu dure pour Montpellier, qui était dans une bonne dynamique, hein, pas loin du podium, et qui est dans une passe plus difficile depuis 2 rencontres, sachant que les Héroletais ont été défaits également à Rennes, 3-7 à 1, le leader, le week-end précédent. Montpellier s'était d'ailleurs toujours imposé contre Poitiers, depuis le retour des Poitevins dans l'élite. Donc un petit peu difficile pour les protéger d'Olivier Leca, malgré un deuxième set de qualité où il s'était envolé. envolée 25-15 portée par Jean-Patry, Sens et Bassereau. Donc 25-15 dans le second set où on se dit peut-être que Montpellier est relancé pour aller chercher la victoire. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, sachant qu'ils ont craqué dans les deux sets suivants pour perdre donc 3-7-1 et qu'ils n'ont jamais été véritablement en mesure de mettre en danger cette équipe. Les Montpelliérains sont actuellement 7e du championnat et se maintiennent donc dans les places qualificatives au play-off, sachant qu'il faut le rappeler, pour se qualifier pour la phase finale, premiers. Il faut être dans les 8 premiers pardon, oui. Au volet. Ce qui a été Poitiers il y a 2 ans contre Montpellier. Nice. Mais qui nous a éliminés. Alors que nous avons fini premier de la phase régulière il y a 2 ans. Donc si on peut être 7e et aller très loin cette année, c'est pas plus mal non plus. Un autre club qui a fini premier l'année dernière et qui perd en finale, même MHR. Et qui ne fait plus grand chose cette année. Donc oui, ce match pour le MHR, c'était samedi face à Toulon, donc du côté du stade de Félix Mayol. Défaite des 6, 38-28. Alors ça partait très mal, puisque il ne faut pas oublier que les 28 points ont été marqués plutôt en fin de match. C'est Toulon qui entame très bien la partie avec un essai de pénalité. Puis après c'est la Cafia, Placide ou encore Nakosi qui marque les 4 essais pour Toulon. Du côté de Montpellier, c'est Immelmann qui à la 38e marque le premier essai. François Stein à la 55e et puis à la fin un match de folie avec un doublé de Nagusa en 2 minutes, 78e et 80e, qui permet malgré tout aussi d'arracher ce qui était vital pour la course à la qualification, à savoir un point de bonus offensif. Puisque 4 essais ont été marqués. C'est aussi la première rentrée pour le jeune pilier droit Daniel Brennan, le fils de l'ancien international irlandais, pour l'anecdote, voilà. Malgré une équipe B, puisque Picamol était absent, Willem c'est pareil, Crouden et Fall étaient également absents. C'est une habitude de la partie. J'ai l'impression cette année avec Montpellier. Voilà, donc au classement. Beaucoup de blessés. Ouais. Tout à fait. Au classement, Tour est jouable, puisqu'Edimbourg est à 11 points, Newcastle à 8. Toulon et le MHR à 6 points. Moi, je persiste à penser que le MHR a encore toutes ses cartes en main, puisque y a réception de Toulon qui s'annonce samedi, c'est ça, je crois, du côté du GGL Stadium. Et il y aura aussi une réception de Newcastle, un déplacement à Edimbourg, donc tout reste jouable. Si on peut rajouter, peut-être, vous parliez des blessés, Goussen qui s'est encore blessé ce week-end. 6 semaines. Bah, voilà. Donc, j'ai pas l'air de. Est-ce que c'est le karma qui fait que. Mais bon, voilà, tu dis l'équipe B de Montpellier, c'est l'équipe qu'ils peuvent mettre en place. Ils n'ont pas vraiment d'équipe type, Montpellier. On voit pas de. On est un peu perdu sur ce qu'ils veulent faire. Bon, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, on sait pas s'ils visent le top 14, la Coupe d'Europe, on sait pas quels joueurs sont titulaires, quels joueurs coupe sont de la pas Ligue. Titulaires. Donc c'est un peu compliqué avec Montpellier, puis c'est pas très très alléchant, pour être honnête. Là, ils s'en sortent à la fin du match parce que le RCT lâche le match à la fin, il leur offre 2 essais. J'ai une image de Bello qui regarde ses coéquipiers et qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est les portes ouvertes à la fin du match, donc le MHR qui un peu survit dans ce match se prend pas une énorme tollée sur le papier parce que le RCT lâche. Comme tu dis, on peut toujours espérer, hein, mais s'il y en a des deux clubs qui peut se qualifier, moi je vois plus le RCT que le MHR. La dynamique à Montpellier n'est pas bonne. Ah oui, clairement. La dynamique n'est pas bonne. Après, là, je vois les 2 prochains matchs de championnat, c'est on va à Grenoble et on reçoit Pau. Il y a de quoi se relancer. C'est pas des matchs tout faits, mais il y a de quoi se relancer. Et remonter dans les 6 en top 14 parce que là on est actuellement. On est 9ème, à 26 points. La saison n'est pas fameuse, mais bon, je pense qu'on va se qualifier. Je pense pas qu'on va se qualifier en Coupe d'Europe, mais je pense qu'on va se qualifier dans les 6 en championnat. Et après, quand on est dans les 6, on sait pas ce qui peut arriver. Hein, tout peut arriver. Regardez Castres. Voilà, tout à fait, on va finir sur Castres. Club du Nord. Ah non, pardon. On va finir le dernier club montpelliérain sur le MHB. Et la joie, puis la tristesse cette semaine pour Montpellier avec la victoire contre Saint-Raphaël, puis la mère défaite hier contre le PSG. Une impuissance, une décadence, une catastrophe, comme vous voulez. Un MHB qui asphyxie au bout de 15 minutes par un PSG beaucoup trop puissant. Au final, un score lourd de 32-24 pour le Paris Saint-Germain. Handball face à Montpellier apathique, tant dans la défense en première période que pour le manque de créativité en seconde, en passant même par un public qui était loin hier soir du meilleur public de France. Comment on explique cette défaite hier aussi lourde que le MHB a subi? Moi j'ai l'impression que Montpellier paye sa saison dernière en fait. L'année dernière c'était une saison exceptionnelle, on peut pas dire autre chose. Après il y a aussi, j'en ai parlé la dernière fois, le système de recrutement qui fait que finalement malgré ce titre Montpellier ne s'est pas renforcé mais c'est affaibli. C'est affaibli. Bien sûr. Ils ont recruté Bon, Petersen fait un bon match hier, mais bon, c'est pas lui qui doit être la cible des critiques. Puis sur le match d'hier, ouais, on n'a jamais été en passe de. Alors on revient à moins de 3, je crois, à la 45e. Ouais. Mais tu égalises en première mi-temps 8 partout, je crois, mais tu sens que t'es jamais en mesure même de prendre l'avantage. Voilà. Dès qu'Omeyer est rentré, c'était terminé. Voilà. Après, peut-être le Paris Saint-Germain est aussi au-dessus de la moyenne. Oui. Montpellier fait pas une bonne saison. Il faut savoir aussi que Diego Simeone. Diego Simeone est. C'est pas le même, mais il a la même influence sur le jeu montpellierain que l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a sur son équipe. Il est beaucoup blessé, il était là contre Saint-Raphaël, mais il se reblesse. Donc l'attaque est un peu apathique. Bon, là, en première mi-temps, le MHB, pour avoir vu le match, c'est la défense qui a 20 buts en première mi-temps. C'était les portes ouvertes, c'était la défense du MHR ou la défense du 15 de France. donc voilà, c'était vraiment des portes de saloon. En deuxième mi-temps, on voit du mieux pendant 15-20 minutes. Ça resserre, on remonte au score, mais on traîne toujours cette première mi-temps où on était en portes ouvertes. Et oui, en face, il y a un tir au meilleur. Voilà, ça fait mal au derrière de voir que c'est au meilleur qui nous crucifie, parce qu'en quelque sorte, il nous crucifie. Hein. Il sort des parades exceptionnelles. Je crois qu'on reste pendant 5 ou 8 minutes sans marquer. C'était assez dur. Après, mais je pense que c'est dans la continuité globale de la saison de Montpellier qui pêche un peu, mais bon, qui est toujours troisième. Voilà, qui est pas loin du podium. Après, on sait tous qu'en Lidl Star League, c'est pas dur d'être loin du podium, mais on n'est pas loin. En Ligue des Champions, je pense qu'on est lâché. Il nous reste peut-être une petite chance en faisant un exploit face au Barça au dernier. Ouais, ça va être dur. Voilà. Ouais, non, et voilà, mais après, quand je regarde la liste de l'équipe de France qui est sortie, on a 5 joueurs montpellierains qui sont toujours en équipe. Et c'est l'équipe la plus représentée, avec le Barça d'ailleurs 4 joueurs et le Paris Saint-Germain a que 1 joueur, je crois. Rémi, peut-être. Donc voilà, c'est quand même, on est quand même toujours là. Ouais. Le MHB est quand même toujours là, malgré tous les pépins qu'il rencontre cette année. Yacine, peut-être une petite question pour toi. On parlait du classement. Est-ce que je peux m'avancer peut-être en disant cela, ou même être un peu caricatural, ou peut-être on va voir, mais est-ce que c'est déjà terminé ou pas pour le titre? Ouais, je pense que oui. Sachant que dans le handball, il faut pas beaucoup perdre de points. Non, bah déjà les confrontations directes, si tu veux être champion, tu ne dois pas les perdre de cette manière-là. Je veux dire, même si tu perds un point, à la rigueur, tu te dis que la manière qui a espoir pour faire un match retour de folie ou pour gagner, l'emporter, etc. Je n'ai rien vu hier. Hein. J'ai vu une défense qui est dans la continuité de ce qu'elle fait depuis le début de saison, à savoir prendre beaucoup de points. Ça communique plus. J'ai encore vu des images hier où, ça se voyait quand on était à l'arena, hein, où Bonnefond et Porte ne se parlaient même pas, même Doux pareil. Enfin, il n'y a aucune cohésion. Le départ de Fabregas, comme le disait Guillaume, représente beaucoup plus une perte qu'un enrichissement avec Peterson, qui, comme tu l'as dit aussi, n'est pas un incriminé, loin de là. Donc c'est terminé. Pour la Coupe d'Europe, je suis aussi pessimiste. Donc voilà, quitte à jouer une Coupe nationale, autant essayer de faire un doublé, pourquoi pas. Ça va être compliqué. En tout cas, pour la Nantes, qui est déjà bien parti. Donc, On termine sur cette mauvaise note, malheureusement, avant de passer à notre première pause musicale, du coup. C'est encore du titre FIFA. Hein. Dès que c'est moi qui mets les pauses musicales, c'est que du FIFA. C'est Fit and the Tantrum et c'est le titre Spark. Attention. De retour sur Sport and Chill, c'était Fits and the Tantrum, et c'était le titre Spark, pardon. On va tout de suite passer au jingle débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et donc chacun des chroniqueurs ce soir a son sportif, j'ai envie de dire peut-être en tête, qu'il juge être le meilleur du 21e siècle. C'est ce que nous allons parler ce soir. Quel est le meilleur sportif ou sportive d'un sport individuel français ou française du coup du 21e siècle. Nous parlerons donc bien d'un sport individuel. Exit donc les Zidane, Deschamps, Guigou, Karabatic ou autre Tony Parker et Titi du Sautoir. Nous allons décomposer notre débat de 20 minutes en 4 parties. Le palmarès, le talent, on va dire ça comme ça, l'aura ou la popularité si vous voulez. Et la concurrence, l'adversité dans ce sport. Ce titre de meilleur sportif ou sportive est évidemment un trophée mixte et comptera pour les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc les athlètes qui ont commencé au 20e siècle mais qui ont fini au 21e siècle seront également acceptés. Attention, je vous donne une petite liste non exhaustive. Il sera sûrement parmi ceux-là parce que j'ai élargi un petit peu. Si pas parmi ceux-là, je suis un peu étonné. En athlétisme, il peut y avoir Renaud Lavillenie et Kevin Mayer. En WRC, il peut y avoir Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier. En judo, il peut y avoir David Douillet, Teddy Riner ou Lucie Descosses. En escrime, il peut y avoir Laura Flessel. En natation, Camille Lacour, les deux Manodou, donc Laure et Florent, Alain Bernard. En tennis, il peut y avoir Arminio Moresmo ou Marie Pierce. En biathlon, ça peut être Martin Fourcade ou Raphaël Poiré. En cyclisme, ça peut être Gianni Longo ou Julien Absalon en VTT. En kayak, tout simplement, c'est le Tony Estanguet. S'il y en a d'autres, je serais très étonné. Moi, possible. Je vais t'en dire un improbable, juste. Mais parce que j'en ai parlé dans la saison, en autre sport, je l'avais découvert moi-même. C'est Antonin Albault en windsurf. Parce que, ouais, la première partie va être sur le palmarès. Et on s'était rendu compte, à notre surprise, je crois qu'il a 23 titres, si mes souvenirs sont bons. C'est le plus gros, plus important palmarès en nombre du sport français. Dans ce cas-là, tu mets Fabrice Martin aussi en ski nautique. Ouais, mais et pourquoi pas. Tu vas loin. Mais il a commencé le débat, c'est sur le palmarès. Là, je suis juste sur le palmarès, hein. Je suis pas en train de dire le plus grand sportif du 21e siècle. Justement, selon vous, tout simplement... Pour trouver un nom pour Flour en plus. On va faire on va décomposer, on va faire un titre de chaque thème. Qui, selon vous, a le meilleur palmarès, en comptant, donc, attention, l'importance du sport de chacun, évidemment. Alors, justement... cette importance du sport, peut-être le ski nautique n'a pas la même importance que le tennis, par exemple. Exactement. Ah oui, automatiquement. Ah, je sais pas, peut-être vous adorez le ski nautique. Ah non, mais on peut adorer. C'est bon à voir, mais... Après, on en a parlé, et pourtant, je pense qu'on prouve à Sport & Chill qu'on met en valeur l'ensemble des sports. Mais à partir d'un moment, il y a une certaine hiérarchie qui se dessine. Bah, le palmarès reste important. Et où le palmarès a son importance, et où du coup aussi les concurrents et le professionnalisme de ceux-ci rentrent en ligne de compte avec des grandes compétitions, des championnats du monde, des championnats d'Europe ou encore des Jeux Olympiques. Moi, qui veut débuter ? Je veux bien débuter. Moi, je serais tenté de mettre Renaud Lavillenie. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas parler de hiérarchie des sports, mais comme tu nous as lancé sur ça, en effet, tous les sports, pour certains, ne se valent pas. Et donc l'athlétisme, parmi tous ces sports qui font la place à l'individuel, avec la natation, c'est ce qui se fait, en tout cas, c'est ce qui est plus réputé, c'est ce qui est plus coté, c'est ce qui est plus suivi. Et Renaud Lavillenie, c'est quoi ? C'est une médaille d'argent olympique, une médaille d'or, évidemment, 3 championnats du monde en salle, remporté, 7 ligues de diamant, 3 championnats d'Europe, 4 championnats d'Europe en salle et 15 championnats de France. On n'a plus le temps, Yacine. Avec le record évidemment de 6m16. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut placer un record du monde sous le même piédestal qu'un titre olympique ou un titre C'est celui de Boubka. Ça dépend, mais c'est celui de Boubka, quoi. Ouais. Tout en sachant qu'il y a. Ouais, moi je vois l'importance de ce que dit Yacine et simple remarque, tout en sachant qu'il y a des sports où il n'y a pas de record du monde. Voilà, tout à fait. On parlera bien sûr à un moment donné sans doute de Martin Fourcade, il n'y a pas de record du monde. Il y a des à battre des nombres de titres, de nombre de titres olympiques, nombre de titres aux championnats du monde, mais des sports justement comme l'athlétisme, la natation, et tant mieux, c'est ça qui est passionnant dans ces sports, font partie de ceux où on parle de records du monde, et c'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines. On peut parler aussi du tennis, qui est un sport majeur, entre guillemets, hein, le mot majeur. parle pas beaucoup de Mary Pierce, mais tout de même une victoire à l'Australienne, une victoire à Roland-Garros en simple et en double, une victoire en mixte évidemment à Wimbledon, même s'il y a eu un quart, il y a eu une finale à l'US Open. Finale de Masters. En parlant de l'importance du sport, de Fed Cup d'ailleurs aussi, en parlant de l'importance du sport et du palmarès, elle peut être parmi les favorites au niveau de... Chez les féminines, ouais. Moi j'avais pensé plutôt à en tennis tout court d'ailleurs, parce que chez les hommes c'est la Berrettini, à Amélie Mauresmo, ouais, parce que c'est la première française numéro 1 mondiale, c'est la plus régulière sur quoi, sur 10 ans, une bonne dizaine d'années, oui. Ouais. Jusqu'à son forfait pour appendicite à Roland-Garros, après elle a décliné, mais je pense que c'est la tôlière du tennis français. Avec Marion Bartoli un peu après, mais c'était pas pas autant, quand même. La même aura, la même influence, même si elle a gagné un grand chelem. On va parler peut-être après, mais le temps du palmarès pur, quoi. Elle a pas ouais, été voilà. Puis en plus, Mauresmo, la pauvre, elle gagne Wimbledon, qui est quand même le tournoi, la veille de la finale de la Coupe du Monde avec la France, donc ouais. ça c'est pas de chance non plus. C'est passé à travers, je pense qu'elle elle en a beaucoup souffert dans sa carrière, dans sa reconnaissance. Mais pour moi, ouais, c'est. Alors peut-être pas pour tous les sportifs, mais chez les femmes c'est elle. D'accord. Pour moi. Elle gagne une Fed Cup, c'est vrai. Fed Cup, Open d'Australie, Masters en 2005. Ouais. Parce que chez les femmes, on peut aussi citer au niveau de palmarès Jenny Longo. Oui, il y a Jenny Longo, c'est sûr. Ouais, mais c'est titres olympiques qui sont pas au 21e siècle, tu vois. Et le cyclisme féminin a été moins développé que le. Que le tennis, tennis aussi, ouais, parce qu'à l'époque il y avait Kleister, Sénin, Davenport. Ça sera sur la concurrence à la toute fin. Bah, je le redirai tout à l'heure. Ouais. Après, par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui est d'importance, au-delà ensuite de parler plus tard de la concurrence, mais certes, on se centre sur des sportifs et sportives français et françaises, mais ça a d'autant plus d'importance de mon point de vue, ce qui était intéressant chez les hommes lorsqu'on parle de Lavillenie. Lorsqu'on parle aussi d'un Français ou d'une Française qui a dominé vraiment sa discipline aussi en elle-même, tout pays confondu, à un moment donné, on parle là d'une place de numéro mondial par exemple, et donc ça je pense que c'est important à prendre en considération, et c'est là où, même si le palmarès de Mary Pierce, pour revenir sur le tennis, est tout à fait remarquable, je la mets un cran en dessous, parce qu'elle a fait de belles performances, elle est allée remporter plusieurs grands chelems, et souvent on n'en parle pas assez, c'est vrai, mais moi je n'ai jamais vu Mary Pierce comme vraiment la joueuse, à un moment donné, de son temps, du tennis mondial. Voilà. Alors qu'Amélie Mauresmo, alors pas sur une période très longue par rapport à d'autres joueuses, mais l'a été... Ouais. Elle a été quand même sur 2 ans, ce qui fait que aussi elle a eu un autre retentissement et que son palmarès prend une ampleur différente. Si vous avez juste un sportif ou donc une sportive sur ce point donc du palmarès, ça serait lequel selon vous ? On n'a pas parlé de Teddy Riner. Ouais, mais après voilà, faudra aussi enchaîner, donc Martin Fourcade ni de Sébastien Loeb, ouais, au niveau du palmarès. Ah, Sébastien Loeb, comme je l'ai dit tout à l'heure en antenne, pour moi c'est à deux le rallye. Donc c'est moins individuel, mais après ça c'est un point de débat. Donc sur le palmarès, qui est selon vous sans argumenter ? Teddy Riner. Si c'est juste au niveau du palmarès, c'est Teddy Riner. Si c'est au niveau de la hiérarchie, comme tu l'as dit, ou en tout cas des sports qui sont plus considérés que d'autres, moi je dis Lavillenie. Romain. Ouais, après... oui, je pense quand même légèrement devant Martin Fourcade, mais Martin Fourcade est vraiment pas loin d'eux. Je pense que ne pas du tout le citer, ouais. Ne serait-ce que sur le palmarès. Après, c'est parce que on va pas s'épancher peut-être sur celui-ci, on y revient, parce qu'on va y revenir sur d'autres catégories, assurément. Donc c'est là où je vais peut-être Riner et Lavillenie juste devant, mais quand même Fourcade, c'est très proche de Lavillenie et Riner en palmarès. Hein. Et donc toi, Gam? Je suis pas surpris de Romain de ses réponses. Non, Teddy Riner pour moi. Aussi. D'ailleurs, Teddy Riner, est-ce que c'est le plus talentueux, deuxième point, celui qui a apporté le plus dans son sport ou pas ? Ben, moi je pense que pensons un petit peu à l'historique aussi. Dans des sports physiques comme ça, moi je pense qu'il y a moins la place au talent. Oui. Après oui, il a des facilités, mais que son physique lui donne. Mais est-ce qu'il sait mieux faire un Ushigawa ou... Je vais me planter dans les noms, mais grâce à son physique ou grâce à son talent inné, tu vois. Pour moi, il y a cette dimension, et il y en a une autre qui pourrait revenir aussi sur Loeb Ogier, c'est d'être le gars qui suit déjà un Français qui a surperformé. Et Ogier, je pense que Teddy Riner, c'est effectivement le plus beau palmarès, que c'est Ouais, mais il suit David Douillet. Un athlète exceptionnel, mais il suit David Douillet. Donc pour moi, c'est pas lui qui a mis la lumière sur son sport. Pour moi, David Douillet l'a fait avant lui. Et après, il en a été un magnifique ambassadeur et il a été capable d'enchaîner sur plusieurs Olympiades, ce qui est totalement remarquable. Donc selon ta théorie, ça serait peut-être plus à la rigueur Tony Stanguet, Gianni Longo, peut-être Raphaël Poiré en biathlon. Ouais, Raphaël Poiré, ouais. Après, voilà, biathlon aussi, tu souffres d'un manque de reconnaissance et d'une discipline assez nouvelle. C'est toujours ça, c'est toujours la même rengaine. C'est comme Estanguet qui a un palmarès monumental. Ouais, mais bon, essayons de mettre ça de côté au niveau de l'influence du sport. C'est compliqué quand tu dois faire un choix, c'est compliqué de mettre ça de côté quand même. Celui qui a amené le plus de lumière sur son sport en France, enfin, moi, la Villeneuve, personne n'a regardé la perche avant. Personne n'a regardé la perche avant que Lavinelli envoie les passe au-dessus, quoi. Donc celui qui a apporté le plus de visibilité pour moi en France sur son sport, c'est Lavinelli. Après, le sportif, quand tu dis par le talent, le gars le plus talentueux, aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, le gars le plus talentueux pour moi, c'est Kevin Mayer. Il a une marge de progression, mais je ne le placerai pas dans mes sportifs, dans mon top sportif 20 de 2000 à 2018. Mais le plus talentueux sportif pour moi, c'est Kevin Mayer, parce qu'il est complet, il a encore une énorme marge de progression, il est jeune. Mais c'est pas lui qui a le plus gros palmarès, c'est pas lui qui apporte le plus de visibilité sur son sport, mais c'est le plus talentueux. Ouais. En termes de reconnaissance française, je dirais, je te rejoindrai, Lavillenil. Même si Galfiol était aussi connu avant. Non, mais t'es pas, ouais. Pas du 21e siècle. Oui, non, mais je veux dire par rapport à la lumière dont tu parlais sur un sport, évidemment, les perchistes n'étaient pas autant regardés qu'à l'époque de Lavillenil, évidemment, parce que le palmarès était moindre. Mais ce n'était pas non plus un sport parfaitement méconnu. Et donc sur le talent, pour toi, Yacine, qui serait l'incarnation parfaite du talent ce 21e siècle pour les Français? C'est dur. Je sens dans le doute. C'est difficile. C'est compliqué. C'est difficile. Fourcade, allez. Fourcade. Bon, moi, sur le talent, peut-être, tiens, au moins j'en dirai un autre. Peut-être Absalon. Pour toi, Julien Absalon en VTT, il a été capable dans un sport d'endurance très compliqué où ça se renouvelle assez vite sur aussi les talents qui lui font face d'enchaîner Olympiade sur Olympiade, et il avait vraiment une manière de se préparer pour les grands événements, pour les Jeux Olympiques, très très spécifique, qui faisait que même lorsque il n'était pas forcément dans le coup sur les deux saisons précédentes, il était là le jour J comme il fallait, et c'est un talent tant sur ce qu'il était capable de faire de manière assez précoce que sur la longévité indéniable. On va enchaîner parce que je te donnerai peut-être ton avis sur l'aura et la popularité sur ce troisième point. Je précise que c'est l'aura tout de même, une atmosphère immatérielle qui semble émaner d'une personne. Voilà ce que c'est l'aura. C'est mystique. Et la popularité, on n'a peut-être pas parlé assez, mais Tony Stanguet, est-ce que c'est au niveau de la popularité de l'aura, maintenant au CIO, est-ce que ça peut être le favori de ce point-là? Ben moi j'avais donc pour la rubrique d'avant, je passais à Sébastien Loeb, et là je le mets pareil parce que il a contribué lui à populariser le rallye déjà en France. Avec il y avait Didier Auriol avant, mais bon. À l'international, ce serait plus Colin McRae. Oui, voilà, c'est ça. Mais en France. Et donc puis il a toujours été, il est très sympa. Il a toujours été bien vu dans les médias. Et puis par rapport à Laura, parler des médias. Ouais, par rapport à Laura, c'est aussi le côté commercial. Oui, il a fait. Sébastien Loeb, on l'a souvent vu. Il y a son nom, même des shampoings. Des shampoings. Incroyable. Ouais, il y a bien Dimitri Ashvili qui a fait les shampoings. Absolument. Donc, c'est dingue que Guillaume ne connaisse pas les shampoings. Moi, c'est la fin, les shampoings, là. Parce que j'ai la douche maintenant. Mais pour moi, c'est Loeb, il peut gagner dans toutes les catégories. Ce serait Loeb. Ouais, ce serait Loeb. Et puis, j'en avais un autre. Dans l'aura, c'est. Peut-être en natation, Camille Lacour ou les Manodou. Non, ouais, c'était la Manodou parce que. Elle a parce qu'elle a permis à la natation française de. Alors, pas de faire connaître le sport, parce qu'il y avait déjà Roxana Maraciné à nous avant, parmi d'autres, mais elle a lancé une équipe de France qui a. Une génération. Une génération qui, dans les 4 à 8 ans suivants, a tout cassé. Oui. Et elle a vraiment été précurseur. 16. tout à fait d'accord. Oui, oui, mais Maloudou, pour le côté aura, c'est clair. Hein, c'est quand elle avait quoi, elle avait 17 ans, qu'elle 17 avait gagné ans, le titre olympique. Son histoire avec Philippe Lucas aussi, qui a intéressé les médias, tout ça. Bien évidemment, c'était très commercial également, c'était très médiatique. Donc, par rapport au côté, si j'en vais ressortir une femme, ça serait Maloudou, et pour un gars, ça serait évidemment Sébastien Loeb aussi. Mais je resterai sur leur Maloudou. D'accord. Je resterai sur leur Maloudou. On a oublié peut-être Laura Flessel aussi, qui était importante pour son sport. Oui, oui, et puis... Laura Flessel, malgré cela, a été ministre des sports. C'est ce que j'allais dire, c'est à l'image de Tony Estanguet, par exemple, des personnes qui ont été ensuite influentes dans le milieu politique et sport. Leur ont donné une aura particulière, tout comme David Douillet à une époque. Après, c'est vrai qu'à un moment, Guillaume a parlé pour Laure Manaudou de la dimension aussi médiatique avec Philippe Lucas. Moi, je pense qu'en cela, sur Laura, je suis surpris que vous voyez vraiment, par contre, Sébastien Loeb chez les hommes au-dessus de tout. Parce que, certes, il a une aura particulière, il a donné la lumière sur son sport, mais j'ai l'impression qu'on revient sur presque une des premières parties de notre débat. Alors que d'un point de vue médiatique, et par exemple aujourd'hui, on entend moins parler, c'est pas quelqu'un de très visible, c'est pas quelqu'un qui se permet de parler beaucoup sur son sport, d'être un petit peu polémique de temps en temps, c'est assez rare. À l'inverse par exemple de Martin Fourcade, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a des fois su rentrer dans l'art par exemple par rapport à l'équipe russe avant les Jeux Olympiques. Et pour moi, Martin Fourcade, par exemple, c'est vraiment l'exemple, en plus il était aussi également porte-drapeau, de quelqu'un qui a une aura particulière. Et si Raphaël Poiret a mis la première lumière sur son sport, au-delà de ses performances assez stratosphériques, Martin Fourcade, parce qu'il dégage, par son aisance face aux médias, parce qu'il a conscience à chaque fois de ce qu'il dit, que la petite phrase va être retenue, il le sait très bien, c'est quelqu'un qui a vraiment, pour moi, un charisme naturel. Ouais. Et enfin, dernier point, peut-être parler avec justement Guillaume sur la concurrence et l'adversité. Est-ce que tu as un sportif qui, malgré la concurrence, sort du lot et a réussi quand même à gagner dans sa discipline? On peut peut-être parler peut-être du record de la Villani, qui était peut-être infranchissable et qui pourtant l'a fait. Peut-être Kevin Mayer aussi, qui a fait son record du monde. Amélie Mauresmo, qui n'était pas non plus avec n'importe qui, avec les Belges notamment. Sylvain Charanel. Oui, tout à fait. Voilà, pareil, puis même les nageurs, Alain Bernard ou Camille Lacour, qui étaient face à des monstres à l'époque, Phelps aussi. Sur l'adversité, moi je verrais Laure Manaudou. Parce que la natation, c'est dominé par les Américains, et les Russes, etc. Et Laure Manaudou, même si la natation, c'est un sport qui est très développé en France, Laure Manaudou s'en est sorti, et s'en est sorti pendant plusieurs années. Parce qu'on sait que la natation, c'est facile d'être là pendant un an, deux ans. Mais elle a été là pendant plus de quelle année elle commence, 2004-2008. Ouais, elle gagne à Melbourne, donc oui. Et donc voilà. Donc pour moi, Laure Manaudou, sur l'adversité, Laure Manaudou. Kevin Mayer, il fait son record. Bon, il fait son record du monde. Lavigne, il fait son record du monde. Mais quand il gagne, il n'y a pas grand monde qui derrière eux. Après, moi, s'il y a bien une catégorie où je ne l'aimais pas, c'est sur celle-ci, effectivement. Parce que Lavillani, alors il a battu un record. Il a pris l'adversité en 2016. Ouais. Oui, dernièrement. Là, ouais, c'est récent. Même maintenant, s'il gagne un gros titre, en fin de carrière. Ouais. Il a eu l'adversité sur le record du monde, c'est ce que je veux dire. Le record de Bobka était infranchissable. Oui. Et le record. Fait même là. Dashton Eaton semblait l'être aussi. Pour, oui, ouais, mais du coup, il est. Ouais. On le voit, il a passé une fois le record, il n'a pas passé 15 fois. Parce que quand tu gagnes 15 fois, quand tu gagnes toutes tes courses, quand tu gagnes 2 ou 3 médailles aux Olympiques, quand tu gagnes plusieurs courses, tu réédites plusieurs fois l'adversité, tu bats plusieurs fois l'adversité. Battre une fois le record du monde, d'accord, mais tu l'as battu une fois le record du monde. S'il avait passé plusieurs fois la barre des 6 mètres 14, 16. 16, s'il avait passé plusieurs fois, là, ok, il a battu plusieurs fois l'adversité, mais il l'a passé une seule fois. Donc sur cette catégorie-là, pour moi, Lavigny, il n'y est pas. Une réaction de quelqu'un d'autre, peut-être un de ses shows justement sur l'adversité. Il y a des sportifs que tu peux pas mettre dedans, parce qu'ils sont tellement tu vois, t'es l'irinaire dans l'adversité, il a pas d'adversité. Parce que justement, on va pas en prendre de l'autre côté, c'est-à-dire que Teddy Riner a tué l'adversité. Ouais, aussi, oui, ça dépend, mais après, il est dans une catégorie, déjà, il y a pas grand monde. Il y a des dispositions physiques à avoir ou qui limitent beaucoup de combattants. Mais moi, pour moi, l'adversité, c'est dans un sport individuel, c'est compliqué. C'est parce que c'est, bon, je vais pas faire le philosophe, mais c'est d'abord face à soi-même. Mais cette catégorie, pour moi, elle est très compliquée à donner. Petit moment d'introspection. Mais moi, justement, comme quoi, cette fois-ci, je vais le ressortir. Moi, je dirais bien Sébastien Loeb. J'avais du mal, hein, j'écoutais tout le monde et je me disais, mais vraiment, j'en vois aucun ressortir du lot sur la concurrence en face. Parce que Sébastien Loeb, justement, c'est aussi le bon exemple de celui qui a vraiment imposé sa loi sur sa discipline pendant des années et qui aujourd'hui revient, ce qui est dur aussi pour Sébastien Ogier malgré ses records et ses victoires, et qui cette année revient et gagne à nouveau alors qu'il fait quoi, je crois, trois rallyes dans la saison. Donc c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui est un génie par le talent de son sport, même si c'est un sport où tu as besoin de ton copilote Daniel Elena qui a été si important, mais aussi où il a montré que quels que soient les concurrents, dans les 10 dernières années, 10-15 dernières années, il était capable de les battre. Ouais, il y a eu plusieurs et ça, c'est assez exceptionnel. Marcus Grönholm, après Ogier, tout ça. Ouais. Si je peux juste voir, je peux repenser à Martin Fourcade, parce que voilà, il y a Martin Fourcade aussi. Et les autres, et c'est pas des Français derrière. Et les Norvégiens. Les Norvégiens. Les Allemands, ouais, et donc Martin Fourcade a battu parfois des relais carrément entiers de Norvégiens, d'Allemands, quasiment à lui tout seul. Et donc, chez les Norvégiens, a été capable de battre autant, trois générations. Björn Dahlen, tu fais bien dire Svensson et maintenant Johannes Bø. Voilà. Donc en fait aussi sur l'adversité je mettrai aussi Fourcade, moi. Ouais, Loeb et Fourcade pour moi. En comptant tout, donc ces points, le palmarès, le talent, l'aura, la popularité, la concurrence, l'adversité, etc., le sport un peu en lui-même, qui est selon vous le sportif ou la sportive d'un sport individuel français ou française de ce 21e siècle, juste sans argumenter votre nom à vous. Sébastien Loeb. Martin Fourcade. La vie d'Annie. Teddy Riner. Oh, c'est beau, c'est très joli. Beau. Moi, je dirais Tony Estanguet. Ah bah là, voilà. C'est beau. Ça, c'est que des champions. Ça, c'est avec tes nouvelles fonctions. Un beau débat sans vainqueur. Tout à fait. Et juste un nom dont on n'a pas parlé et dont on parlera pas ce soir, mais que j'ai été surpris qu'on cite pas dans ce quota. C'est quand même Mayedin Mekissi. Ça peut faire discuter par moment, mais je trouve que il a multiplié les perfs et il a battu un record important dans les derniers championnats d'Europe. Donc on parle des sports individuels. L'événement de cette année avec les Jeux Olympiques, ça a été championnat d'Europe. Et Mayedin Mekissi en athlé derrière les Lavillenie et Maillard, ou pour moi dans ce groupe là, c'est indéniable. Il manque un titre mondial pour lui, malheureusement. Ouais. Et selon l'équipe 21, Kylian Mbappé. Voilà. Et Teddy Tamgo. Oui, voilà. Bon, très bien. Teddy Thomas, tu veux dire. On va passer pour la vitesse, à notre pas deuxième mal, pause musicale. C'est Crystal Fighters avec le titre Fallout. Circulo Records entzuten zaudete. Hori solo abestia zen eta hau follow da. Crystal Fighters zena. We'll be right back. De retour sur Sport & Chill, c'était Crystal Fighters avec le titre Follow. On passe tout de suite au duel. Ce soir, le duel oppose Yacine, empereur de Milan, contre moi-même, l'animateur de Sport & Chill, sur un sujet rugby. Empereur de Lens. Empereur de Lens, je préfère Milan quand même, du coup, sur le coup. Manchester. Ouais, voilà. Lord de Manchester. Oh. Sur donc cette problématique pour ou contre les barrages dans le 6 nations de rugby. Bon, c'est pas trop d'actualité, mais c'est quelque chose qui se pose de plus en plus peut-être dans le rugby, notamment du point de vue de l'Italie, qui semble un peu largué. Je vais commencer puisque apparemment c'est le oui et, ou le pour qui commence. Yacine, si tu me le permets. Je t'en prie, tu es le maître conducteur. Est-ce que Romain, tu as le temps de me chronométrer mettre. Ou quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai entre une et deux minutes, je le rappelle. Yacine, ça sera à son tour après. Après, ce sera aux chroniqueurs de parler. On rappelle que les deux duellistes ne peuvent pas s'interrompre ni de dire quelque chose pendant s'invectiver. Que l'autre parle. C'est combien de temps? Deux minutes, entre une et deux minutes. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler le sujet peut-être? J'ai pas entendu. Pour ou contre les barrages aux 6 nations de rugby. Ok. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Florian, c'est à vous. Alors moi, je suis pour les barrages entre le premier, enfin le dernier du coup, destination A, je vais l'appeler comme ça, hein, et le premier destination B, pour plusieurs raisons, donc donner de l'intérêt aux destinations B, au-delà de se battre pour la première place d'un tournoi que personne ne connaît, j'ai envie de dire, la destination B. Un autre but considérable serait de se battre pour aller avec l'élite, les anglo-saxons. Ça serait aussi de donner de l'intérêt aux 6 nations A, éviter que les pays qui ont déjà perdu ne baissent de rythme. En fin de 6 nations, j'ai l'impression que la cuillère de bois n'est plus qu'elle était. Auparavant, elle faisait un peu peur, on va dire, un peu la honte de finir dernier avec la cuillère de bois. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus trop le cas. Hein. C'est un avis personnel dessus. Puis aussi peut-être un intérêt financier, peut-être moindre hein, pour la fédération internationale, car ce n'est qu'un match de barrage, mais ça peut plaire à certains un match de barrage de ce type. Au-delà de ces arguments, je trouve que le rugby est un sport international qui est encore cantonné à quelques nations, même si on note l'émergence du Japon, qui est sans doute liée d'ailleurs à l'accueil de la prochaine Coupe du Monde. Peu de pays émergent dans le rugby, ou plutôt peinent à émerger, à l'instar de l'Argentine qui est rentrée dans le Four Nations. J'aimerais donner un peu ce coup de pouce aux nations de seconde zone entre guillemets pour développer le rugby dans ce pays. Je trouve qu'on a donné la chance à l'Italie de prouver qu'ils peuvent faire partie du Gotha mondial. En l'occurrence, après des années de 6 nations, je trouve que le niveau d'Italie ne progresse plus et est bien trop faible maintenant. Évidemment, donc il est possible que pour le dernier donc des 6 nations, que ce n'est pas nécessairement l'Italie, évidemment. Ça peut être l'Écosse ou même la France dernièrement qui est un peu plus en difficulté. Cela permettra aussi tout simplement de développer le rugby géorgien, roumain ou encore allemand et espagnol qui mettrait peut-être plus d'argent ou dans la fédération de rugby pour aller se frotter aux anglo-saxons et aux français. En l'occurrence, je trouve que à présent, les 6 nations, bien que ce soit une compétition prestigieuse, est un club fermé à l'émergence des nouvelles nations du rugby. Parfait, 2 minutes, 1 seconde. Très bien, je vais essayer de tenir, on va voir. Alors moi, j'y suis opposé. Pourquoi ? Parce que pour moi, je suis d'accord sur le fait que le club fermé en Europe doit peut-être être modifié. Le souci, c'est que les autres pôles de développement du rugby dans le monde, pour moi, ne sont pas en Europe. Ils sont en Asie, ils sont potentiellement en Amérique du Sud. Pour preuve, on avait parlé à l'époque de l'ouverture du tournoi destination à l'Italie en 2000. C'est l'Argentine qui voulait intégrer à l'époque ce pôle fermé. Moi, j'ai envie de dire que le niveau, pour situer un peu ce que peut être le niveau d'Italie et donc a fortiori d'un barragiste pour la promotion et la relégation, c'est la Coupe du Monde de rugby. Et je regarde que ni la Géorgie, ni la Roumanie, ni l'Italie n'ont jamais réussi à se qualifier pour les quarts de finale, l'Argentine si, alors qu'elle n'était pas à l'époque dans le Four Nations. J'ai envie de dire que l'Italie, parce qu'en fait on parle clairement, enfin, l'Italie pour moi c'est induit, hein, parce que 13 cuillères de bois depuis 2000, ça serait souvent elle qui serait amenée à disputer ce barrage. L'Italie a une belle génération, mais depuis 2007, j'ai l'impression qu'elle stagne malgré la présence de stars. Et moi, je milite en fait carrément pour que l'Italie rejoigne la Géorgie et la Roumanie dans la poule 1A, pour la simple et bonne raison que des matchs, test matchs se font. D'ailleurs, il y en avait un en octobre dernier entre l'Italie et la Géorgie, qui est la meilleure équipe de la poule 1A. Et bien, l'écart était tout à fait réduit parce que l'Italie a gagné 28-17. Et ce test match avait été fait justement pour essayer de convaincre les supporters italiens, que, parce que c'était à l'époque où les discussions de la légitimité du tournoi pour l'Italie, etc., se posaient. C'était pour essayer de convaincre tout le monde que l'Italie avait le niveau. Or, pour moi, elle ne l'a pas. La Géorgie et la Roumanie ne l'ont pas. L'écart est trop important. Et je trouve que le rugby est beaucoup plus compétitif. Par exemple, le Japon, en tout cas, peut-être amené à le devenir. Je ne pense pas que l'Espagne ni l'Allemagne soient des terrains fertiles à l'investissement du rugby dans ces pays. Donc pour moi, le tournoi doit redevenir un tournoi des 5 nations et non pas des 6 nations. Parfait. 59. Parfait. Tu as vous pris exemplaire, ouais, messieurs. Peut-être la première réaction de l'un de vous sur ce sujet et sur ce que nous, sur nos arguments tout simplement. En tout cas, vous m'avez surpris, parce que j'attendais de savoir exactement du coup quelles seraient les positions, et je trouve ça intéressant ce qu'a dit Yacine en parlant de manière assez provocante, parce que personne n'en parle trop, de carrément revenir à la formule précédente, donc pré-année 2000 de 5 équipes, hein, c'était le tournoi des 5 nations à l'origine. Et non pas dire tout simplement restons comme nous sommes, c'est très bien. Après, personnellement, je suis désolé Yacine, mais je vais aller peut-être plus vers Flo, parce que j'ai pas tout à fait compris exactement, tu pourras à la fin le repréciser, là où tu voulais en venir lorsque tu parlais de l'Argentine et du Japon. Il est vrai pour moi que l'Argentine et le Japon sont des terres de rugby actuellement plus propice à concurrencer les grosses écuries que les équipes du 6 Nations B. Pour autant, je considère que pour dynamiser le 6 Nations B et la dynamique européenne autour du rugby, l'instauration du barrage, effectivement, peut être une formule intéressante au moins à tester. Et que sinon, les autres équipes européennes n'auront véritablement plus l'occasion de se mêler aux joutes contre les Anglo-Saxons et les Français, et que si on relègue aussi l'Italie, c'est condamner et faire vraiment un constat total d'échec pour cette sélection. Guillaume. Donc Florian, pour moi. Guillaume à ma gauche, Guillaume, Lord de Liverpool et Comté de Montpellier. Oh oui, au moins. Moi, je suis. Bah, merci Flo, parce que je vais voter pour toi. Tu sais comment un avion, j'ai déjà perdu, on met dans la poche un peu, tu vois. C'est pas beau ça. Non, je pensais à Flo, parce que pour moi, il n'y a pas de. T'as avancé l'argument, Yacine, d'autres terres émergentes du rugby, mais en quoi ça empêcherait en fait d'ouvrir le 6 Nations en Europe aux autres? Enfin, pour moi, ça me. Enfin, je vois pas trop le lien. Alors, à part d'amener le Japon en Europe pour le 6 Nations, mais je pense pas que ce soit un projet qui soit. Eh bien, l'Australie et l'Eurovision. Hein. C'est vrai. Tout à fait. Argument, ben, j'ai perdu. Oui, je pensais plutôt aller dans le sens de Flo, parce que alors, je mettrai un bémol à Flo, c'est-à-dire que si tu ouvres au 6 Nations B, le niveau n'augmentera pas. Enfin, en tout cas, il n'augmentera pas avant 15 ans. Parce que la Géorgie, ils perdent contre l'Italie, de temps en temps, s'ils les jouent, je ne sais pas, j'ai pas les cartes en octobre dernier, je crois que l'autre Guillaume aura son mot à dire sur la Géorgie. Donc, non, mais la Géorgie, la Roumanie, la Russie, tout ça, s'ils montent en 6 Nations A, ils prendront des roustes, donc le niveau n'augmentera pas. Autre point que je souligne à Yacine, et justement c'est pour son retour, son idée de retour aux 5 Nations. Ouais, pourquoi déjà, voilà, encore. Comment dire ? Fermer le cercle d'un sport qui a du mal à s'internationaliser, qui le fait, mais où il y a quoi ? Il y a une vingtaine de pays qui jouent au rugby, 25. Oui. Le seul intérêt d'avoir rejoint Yacine, c'est par rapport à la cuillère de bois pour lui redonner son intérêt, mais bon. Et c'est un peu utopique de revenir à 5, parce que l'IRB cherche l'argent et ça fait une journée en plus, oui, et jamais ils n'enlèveront un match. Oui, mais Yacine ne cherche pas l'argent. C'était pas utopique. Moi, je voyais pas ça de manière utopique en réalité. Non, Guillaume, qui est. Je ne prends pas en disant que tu as des origines géorgiennes. Plus que d'accord. Origines. Non, oui. Effectivement, d'origine géorgienne et un peu implanté dans le rugby depuis le plus jeune âge. Je voulais d'abord commencer sur ton point où le rugby est à milieu fermé. C'est totalement vrai. C'est pas, on dirait, c'est vrai, la Edge Cup c'est fermé. Pour y rentrer, si une équipe georgienne veut y rentrer, si une équipe roumaine veut y rentrer, elle doit passer des barrages, se qualifier pour la petite Edge Cup et ensuite gagner la petite Edge Cup pour atteindre la grande Edge Cup. Donc ça c'est le premier de mon truc, ça fermé. Les Six Nations c'est complètement fermé. Pour y rentrer c'est sur invitation et les invitations sont déjà prévues à l'avance. Le Four Nations c'est fermé, pour y rentrer c'est sur invitation. La Coupe du Monde, pour y arriver, les trois premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés pour aller pour l'édition suivante. Ça veut dire que sur 3 cinquièmes des équipes sont déjà qualifiées pour l'année suivante. Donc c'est aussi en quelque sorte fermé. Alors aujourd'hui, pourquoi des équipes comme l'Allemagne et l'Espagne n'investissent pas dans le rugby et on dit il n'y a pas de potentiel? C'est parce que c'est fermé. L'Allemagne n'a aucune chance d'atteindre le gratin mondial. Si on dit à l'Allemagne, vous pouvez atteindre le gratin mondial, moi je vous dis que les Allemands vont mettre de l'argent dedans et vont se développer. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune opportunité. Il y a 1% de chance que ça arrive. Donc ils n'iront pas. Après aujourd'hui, ouvrir le tournoi destination, faire une montée-descente, ça n'a aucun intérêt économiquement pour les équipes qui sont là. Et comme le rugby est un milieu fermé, jamais ils nous ouvriront, parce que aller vendre des places pour aller jouer en Géorgie, ça fait moins rêver qu'aller vendre des places pour aller jouer à Rome. C'est le stade olympique. Quoi. Les Anglais vont en vacances à Rome, hein, donc. Non, c'est. Économiquement, il n'y a aucun sens. Ils vont gagner. Tbilissi, mais, en gagnant, c'est 5 à 3 d'écart. C'est une très belle vie, Tbilissi, mais le pouvoir d'achat du géorgien n'est pas comme le pouvoir d'achat de l'italien. Et économiquement parlant, ça fera moins vendre et il y aura moins de revenus. Moi, je. Partirai même pas sur l'idée d'ouvrir ou pas le tournoi destination, donc je te rejoindrai toi. Ça ne sert à rien de l'ouvrir, et s'il fallait l'ouvrir, moi je le réduirais à 4 et là je ferais des montées-descentes. Mais en dehors de ça, moi je pense qu'il ne faut pas l'ouvrir au tournoi destination, il faut penser plus à quelque chose de global et le niveau mondial, le niveau de ces tier 2 nations, comme on dit l'Asie, excusez-moi, les pays de l'Asie, les Fidji, le Samoa, les Tonga, c'est le même niveau que la Géorgie, la Roumanie et l'Italie. Donc c'est pas meilleur ou moins bon, c'est sûr c'est plus intéressant d'aller en Asie parce que le japonais a un plus fort pouvoir d'achat et est un nouvel espace attractif. Donc oui, on va plus favoriser le Japon par rapport à la Géorgie, mais moi ce que je ferais c'est je prendrais un copier-coller de la Ligue mondiale de la Ligue des Nations de foot et en dehors de ces périodes de Six Nations, je ferais une sorte de Ligue mondiale de rugby au lieu de nos tournées qui ressemblent au lieu des chose. Tournées qui sont aussi fermées, je tiens à préciser, parce que les Français on va à quoi? On allait jouer trois fois en Nouvelle-Zélande. Du Sud aussi, voilà. Pourquoi les Français ont le droit de jouer trois fois à la Nouvelle-Zélande et pourquoi la Géorgie n'a pas le droit d'aller jouer à Nouvelle-Zélande en juin? C'est quelque chose de très fermé aussi. Et donc moi, à la place de ces tournées, j'organiserai un système de montée-descente et je ferai jouer les équipes de leur niveau. Chacun descendrait, chacun monterait, comme la Ligue des Nations, mais qui je trouve est un très bon système en foot. Et après, à débattre, moi je trouve que ça permet de faire des leverages. Et voilà, moi j'irai pas sur la. Je te soutiens, Yacine, j'ouvrirai pas le tournoi destination à un barrage, mais j'ouvrirai les tournées à un système plus équitable. D'accord, très bien sur ça. Merci, première Guillaume. Fois qu'on voit. Il a tué le game. Oui, en effet, quelque chose de bien aux Six Nations. Pas aux Six Nations, mais aux Ligue des Nations. Oui. C'est vrai que généralement on a des propos plutôt négatifs. Allez, on est très en retard, on va vite passer à ce qu'on nous attend tous, c'est le quiz. Allez. Sport and chill, le quiz. Et allez Guillaume, c'est Guillaume ce soir qui nous fait notre petit quiz. Du coup, tout le monde joue, tout le monde a son petit micro. Alors, on commence par un tour de table. Il y avait ce week-end donc le 8e tour de la Coupe de France avec encore 15 clubs de Ligue 2 encore en lice. Combien sont tombés? Donc, tour de table, chacun répond. Combien clubs? 15, on a dit. Il y avait 15 clubs. Combien sont tombés? Difficile dès le début de parler de Coupe de France et, et de clubs de Ligue 2. Moi, je dirais 8. Mais bon, ouais, moi, faut se lancer, non? Moi, je dirais. Mec, ça. 9. Vous êtes sympa avec moi, hein, parce que c'était à moi. Mais allez, Romain, coup, dépêche. Je peux me débrouiller maintenant. Mais moi, je dirais 9 aussi. Yacine 11. Donc, t'as dit combien, Flo? 9. Vous êtes très très loin, je mettrai pas de points. Parce qu'il y en a eu 15, c'est les stacks. D'accord. Ah, d'accord. J'imaginais que du coup, c'était un truc de fou. C'était tout tombé. Oui, on est tous tombés dans la question piège. Mais c'était joli. Deuxième question. On a bien suivi la Coupe de France. Oui, c'était passionnant. Le Paris Handball a été racheté en 2012 par QSI et Nasser Al Real Haifi. Depuis cette date, combien de fois le nouveau PSG Handball est-il venu s'imposer à Montpellier en championnat? Tour de table. Coupe de France compris? Non, ou... en championnat. En championnat. Depuis 2012? On a joué à chaque fois à l'Arena. Donc il y a eu 7. Combien de fois Paris est venu gagner? Il y a eu 7. Moi je peux commencer si vous voulez. Ouais, Flo. 2 fois. Yacine. J'allais dire 2 aussi. 2. Guillaume. Je dirais 3. M'influencer, j'étais entre 2 et 3. Ah non, mais tout le monde m'influence. Ouais, moi aussi j'étais entre 2 et 3, honnêtement. Bon, allez. J'en vois pas plus. Je suis Guillaume, 3. La réponse est 3. Oh, c'est beau. J'ai su d'hier, j'ai su de l'année dernière d'ailleurs. L'année dernière, et la dernière c'était en 2015. Combien de fois on allait gagner là-bas? Pas beaucoup. On était gagné. Ah oui, je me rappelle très bien, en 2015, on y avait été, c'était à 18h, oui. C'est vrai. autant pour nous. Il faisait beau. On a quand même toujours 2 étoiles sur le maillot. Voilà. Voilà. Et aucune. Toujours depuis 2012 et la reprise en main Qatari, combien de joueurs sont passés directement du MHB au PSG? Alors, c'est une question plutôt en chair. Il y a 2 points pour celui qui me cite les 4. Il y en a eu 4. Les 4? C'est tour de table. J'ai dit combien, mais c'est pas ça la question. Je savais pas comment la poser en fait. Il y en a eu 4. Si vous me citez les 4, vous avez 2 points. J'en ai 2. Alors moi j'en ai 2 aussi. J'en ai 2 aussi. J'en ai peut-être 3. Du coup, on démarre ou on démarre pas? S'il y en a un qui a les 4. Directement de l'un à l'autre. Directement. Moi j'en avais peut-être 3, mais je peux essayer les 4. Sans compter Vincent Gérard qui partira l'année prochaine. Je peux essayer les 4 moi aussi. Tu peux essayer les 4. À Cambrai? Oui. Au Meyer? Oui. Bojinović? Oui. Et Orumbia? Oui. C'est ça. Moi j'avais Orumbia et j'avais pas. J'en avais 3 moi. J'avais pas Bojinović. Solide. Bravo. Solide. Belle paire. Bravo. Orumbia, ce traître qui a pris le 34. Moi j'avais Orumbia. Que des traîtres. Là je regardais le match hier, j'étais là, que des traîtres. Ouais. On va passer au rugby. Le Racing 92 effectue donc de très belles performances en Champions Cup avec 3 victoires en 3 matchs et 2 points de bonus offensif, ce qui lui permet d'avoir engrangé 14 points sur 15 possibles. Quelle est la seule autre équipe dans cette situation? Saracens. Il était sur il était sur le classement tout le début de l'émission. C'est vrai. c'est vrai. Mais j'avais vu hier. Question. Joué. J'adore Will Ferrell dans cette vraie. On revient au foot. Question rapidité. River Plate a gagné donc hier la Coupe Libertadores. Et a également gagné sa place pour la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu dans quelques jours dans un pays asiatique. Lequel? Les Émirats Arabes Unis. Oui. Moi j'avais le nombre de titres en c'était soit Japon, soit 4. 4. Le Japon. C'est... Bah, c'est souvent c'est Japon, Maroc ou Émirats, donc c'est pas. Ouais, oui, c'est vrai. Ça, ouais. Ça fait 4 fois, je crois, aux Émirats. Oui, oui. Question biathlon, rapidité également. Moi je pense qu'il y en a un qui va sauter dessus encore. En biathlon, donc les Français ont connu une belle semaine avec 4 podiums et Quentin Fillon-Maillet qui a failli remporter sa première victoire de sa carrière. C'était où cette étape de Coupe du Monde? Paul Juka, c'était. En Pologne. En Pologne. Slovénie, oui. Slovénie. Romain. Paul Juka. Paul Juka, oui. On repasse au foot. Il s'est passé quelque chose de rare ce week-end en football, mais quoi? Je vais vous donner quelques indices si vous ne trouvez pas. Un match a été délocalisé à Madrid. Ouais. Est-ce que c'est dans un grand Boca championnat? Junior a mis un but avec... et s'est fait avoir. 7 matchs sur 10 ont été reportés. Ah, premier indice, dommage. But. Le but le plus rapide. Pavard a mis un but contre son camp. Il est sorti blessé. Ah oui, c'est vrai que ça, ouais. C'était non. Ça concerne. C'est pas rare, ça peut arriver. Non. Deuxième indice. Temps additionnel. C'est très compliqué. Hein. C'est un but marqué dans le temps additionnel le plus long. C'est un but qui a été marqué alors que l'équipe était à 9. C'est la Roma. Ouais, c'est pas ce que j'attends, mais ouais. C'est la bonne affiche en tout cas. À 95e. Un but dans le temps additionnel à 95e. La Roma menait 2-1. Ils ont pris un but alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Le temps additionnel était déjà terminé. Alors qu'ils gagnaient 2-0. C'est très compliqué. Non, c'est pas ça. C'est très compliqué. J'ai vu ça sur. Ils ont marqué 2 buts. Ça fait le tour de Twitter. Bah, je vais vous donner la réponse. Pas du mien, alors. Je vais mettre un demi-point à Flo, tiens. Comme ça départagera s'il y passe. Alors, il s'est passé quelque chose de rare. Donc, il y a eu 3 buts dans 3 matchs différents au-delà de la 95e minute ce week-end en Italie. Alors. Ah. Cagliari qui a égalisé donc contre la Roma à 9 contre 11 à la 95e. Le Genoa et la Spal peut-être. La Sampdoria qui égalise sur la pelouse de la Lazio à 10 contre 11 aussi à la 99e. et la Fiorentina qui égalise à Sassuolo à 10 contre 10 à la 97e. Ouais, je méritais mon demi-point parce que c'était quand même comme quoi en Serie A on se régale surtout avec Sassuolo. Ouais, en Serie A on se régale, messieurs, vous devriez regarder. À quand Léo Messi en Serie A avec la SPAL. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Et à quand Léo Messi qui vient au Milan. Question rapidité rugby. Pour quelle raison des joueurs comme Guerrado, Bastaro ou Picamol n'ont pas pu jouer? Merci à Montpellier. Non, repos pour destination, ah oui, fait pour les tests match. Ouais. Guillaume, ils sont en vacances. Ouais. C'est quand même marrant. C'est un sport, j'aime bien. Il faut bien avoir trop de matchs. Question basket. Luka Doncic a réalisé une fin de partie tonitruante face aux Rockets de Houston samedi soir en permettant à son équipe de gagner dans les dernières minutes. Un show individuel du Slovène. Qui a réalisé une performance rare. Combien de points consécutifs a-t-il inscrit 11. Pour son équipe? Romain, 11. Romain, 3 points. Ce qui est très rare. Ouais, il a fait un 11-0. C'est même pas 11 points comme ça pour son équipe, il a fait un 11-0. Donc Dallas, ils ont rien marqué. Ouais, surtout que Houston n'a rien marqué. Dallas a mis 11-0 face dans le derby texan pour aller gagner à 107-104. Dernière question, qui suis-je? Je suis né le 10 juillet 1995 à Sundal Sora et je mesure 1m76. Précoce, je débute ma carrière pro à l'âge de 14 ans dans le club de Colbonne. Je pratique un sport collectif. À 16 ans, je débute en équipe nationale qui est une très bonne équipe européenne. En 2012, je signe dans un grand club allemand avant de signer en 2014 dans la meilleure équipe d'Europe. Martin Odegaard. Depuis, j'ai marqué 119 buts en 93 matchs. Je compte 66 sélections pour 38 buts. J'ai atteint le Graal des récompenses individuelles le 3 décembre dernier. Lucas Modric, Heiderberg. Je suis norvégienne. Ada Hegerberg. Hegerberg, la Ballon d'Or. 3 points. Question, ben on va départager hein, parce que Romain a 3 points et Yacine a 3 points. Alors, du coup, on répond pas, c'est ça, nous non, si vous voulez, mais non. Normalement, non. J'avais une question sur le montant des droits télé de Ligue 2, mais tu l'as donné tout à l'heure. Ouais, ils s'en rappelleront plus, ils s'en rappelleront plus. Ah, moi je sais. Donc, je vais passer sur ceux de Ligue 1. À combien s'élèveront exactement les droits de TV de Ligue 1 à partir de 2020? Le plus proche gagnera. J'en ai aucune idée. Moi, je me rappelle plus sur la Ligue 2, alors vous voyez pour la Ligue 1. Je suis extrêmement. Oui. J'en ai aucune idée. Oh là, j'ai même pas d'ordre d'idée en fait. Ouais, et j'ai tellement pas d'ordre d'idée que j'ai peur de dire une énorme bêtise. 3,50€. Je vais dire. Un kebab. 1,2 milliard. 1,2 pour Yacine. Là, on était. En Ligue 1? Ouais. Oui, mais c'est sur un contrat. Sur 4 ans, imagine. Sur 4 ans? Non, c'est par an. Ah, par an. Ah oui, c'est par an. Ah, par an. Moi, j'ai une idée, moi. Moi, je vais dire. Dépêchez-vous, monsieur. C'est Yacine qui était assez proche, c'est 1 milliard 153 millions. Oh, j'étais à 50 millions. Tu m'as calmé, du coup. À 47 millions près. Ouais. Bah non, mais. Au début, j'ai dit, j'étais proche de cette première ligue. Première ligue, les gars. J'entends la réaction de Flo, je dis 450 millions. Mediapro a cassé la baraque. Bah, bien joué. Désolé, Romain. D'avoir fait gagner Yacine. De Yacine, bon. Bah après, il était très proche, donc c'est quand même nice. On va passer à l'agenda parce qu'on a. Même quand je joue pas, il gagne. Ouais, en effet, on va passer à l'agenda. Et du handball, je vais commencer par moi-même. Avec Serbie-Monténégro, c'est tout de suite, je crois, dans une minute à 21h, qui sera le match à suivre pour nos Françaises, puisque c'est sûrement avec qui on va se battre pour cette deuxième place. Mercredi, donc c'est Danemark-Monténégro et surtout aussi Serbie-France pour la qualification des demi-finales. Dans l'autre groupe, je vous conseille le petit Pays-Bas-Norvège de demain entre deux grandes nations favorites ou encore le Pays-Bas-Allemagne de mercredi qui risque d'être le match à ne pas rater pour le dernier carré de ce championnat d'Europe. Enfin, les demi-finales seront vendredi 17h30 et 21h et la finale à dimanche à 17h30 à Bercy. Au niveau du football, Guillaume. Oui, alors c'est une semaine importante, c'est la Ligue des Champions. Alors on va passer vite fait sur Monaco qui reçoit Dortmund. Et mardi, il y aura aussi Barcelone-Tottenham, l'Étoile Rouge de Belgrade qui recevra le Paris Saint-Germain pour la qualif. Et Liverpool qui jouera aussi sa qualif face à Naples. Mercredi, Lyon jouera sa qualif à Kiev pardon, contre le Shakhtar Donetsk. Il y a quoi d'autre? Valence qui reçoit Manchester United et le Real Madrid qui reçoit le CSKA Moscou. Jeudi en Ligue Europa, Marseille pour l'honneur recevra l'Apollon Limassol. Rennes et Bordeaux joueront leurs qualifications respectivement face à Astana et à Copenhague. Et ce week-end dans les championnats domestiques, Manchester City recevra Everton samedi. Le PSG ira à Dijon, il n'y a pas grand-chose en Ligue 1. La Juventus se déplacera sur la pelouse du Torino pour le derby de Turin. Et dimanche, Lyon-Monaco à 13h en France pour l'Asie. Liverpool qui recevra Manchester United. Lundi, je te parle pas, Flo. Southampton qui ira... Tu prends la défaite. Où tu me parleras pas. et Arsenal qui ira à Southampton, et enfin en Ligue 1, le match de 21h, ce sera Marseille-Bordeaux. Encore Marseille, tiens. En rugby. Alors en rugby, on aura la suite de la Coupe d'Europe, donc match retour entre Montpellier et Toulon. Ça sera notre pronostic de la semaine. Voilà, Munster, Castres qui recevra le Munster, Lyon qui se déplacera à Glasgow, Toulouse qui recevra les Wasps, et le Racing qui va se déplacer chez Leicester Tigers. En NBA, Romain. En NBA, alors je vous ai noté quelques matchs, déjà les matchs de cette nuit avec quelques belles affiches, sachant que nous aurons un match entre Détroit et les Sixers à minuit, un match entre les New Orleans Pelicans d'Anthony Davis et les Boston Celtics, équipe en forme dernièrement. Encore dans la semaine, pour vous citer les matchs de la plus grande importance, demain, donc dans la nuit de mardi à mercredi, on aura une belle affiche entre les Toronto Raptors et les Los Angeles Clippers. Surtout mercredi soir, c'est l'affiche de la semaine, nous aurons un duel entre les deux grandes équipes de ce début de saison, Toronto et les Golden State Warriors, champions en titre. Jeudi, deux belles affiches à nouveau avec les Los Angeles Lakers qui joueront les Houston Rockets et les Clippers, les Spurs. Enfin, je passe directement à lundi, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, donc ce sera le match avant la fin du week-end, avec une affiche entre les Philadelphia Sixers et les San Antonio Spurs. Donc comme vous le voyez, semaine clé pour la franchise bien connue anciennement de Tony Parker, les Spurs, avec notamment des matchs contre les Clippers ou les Sixers. Moi en sport d'hiver, il y a la semaine prochaine donc pour le ski alpin féminin à Val Gardena, donc en Italie, avec la descente et le Super G. Chez les hommes, c'est également même endroit, Val Gardena en Italie, ainsi qu'à Alta Badia, toujours en Italie, donc Super G, descente et slalom géant. Et donc pour le biathlon, ça sera tout le monde à Holzfilzen en Autriche pour les femmes et les hommes. Et est-ce que tu as des autres sports, Romain, en plus? Oui, j'avais la Ligue A de volley, tiens. Vu qu'on en a parlé. Que j'avais noté, sachant qu'on en avait parlé. Hein. Désolé, je n'ai pas fait la proie, mais je vous encourage à aller le regarder. Concernant la Ligue A de volley, Jeep Elite. Nous aurons Jeep Elite, effectivement. Absolument. Donc, Ligue A de volley, nous aurons Tourcoing, Ajaccio, Nice, Poitiers, Montpellier jouera Tours, donc ce sera la grosse affiche d'ailleurs de ce week-end là. Il y aura un derby, enfin, si je puis le dire, les deux équipes régionales en tout cas qui se rencontrent, entre Narbonne et Sète, ou enfin Cannes jouera contre Chaumont. Voilà. Et finalement, en sport Montpellier-Rhin, je fais dans l'ordre chronologique, donc mercredi 20h30, MHB contre le Phoenix Toulouse. Jeudi 18h30, Zegled contre le Belema en Coupe d'Europe. Et samedi 18h, Nantes Vipers en hockey, ainsi que Nantes MHSC à 20h, donc duel entre Nantais et Montpellier-Rhin. Samedi 20h, Montpellier Futsal recevra Furiani, ainsi que donc le MHB ira à Limoges en Coupe de France pour le handball. Et le MWP à 20h30 recevra Noisy-le-Sec. En ce qui concerne dimanche, le MHSC féminin recevra le PSG féminin. À 16h15, le MHR recevra Toulon, on l'a dit. Et à 17h, le Basketland recevra donc le BLMA, les Gazelles. Le pronostic, ce MHR-RCT très rapidement. Romain, d'ailleurs, tu commences en tant que fan de rugby, MHR-RCT. Bonus ou pas de bonus, et qui vainqueur? Est-ce que je tenterai un truc? J'ai tenté beaucoup de choses. Non, je vais dire Montpellier vainqueur et aucun bonus d'un côté ni d'autre. Yacine. Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Toulon. Vrai match. Victoire avec bonus offensif pour Montpellier. C'était ça, mon visiteur. Match de merde à venir. T'es pas vendeur là. Je vais me démarquer pour gagner des points. Toulon, sans bonus. Moi je suis Yacine, Montpellier, bonus défensif pour Toulon. Voilà, fin de Sport and Chill pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut finir par un beau petit tweet de Dans la Musette? Augmenter le SMIC de 100 euros c'est bien, mais réduire l'étape de plaine de 5 km c'est mieux. merci pour cette fin sportive. Je vous remercie d'être venu à mes chroniqueurs ce soir, d'ailleurs pour cette première avec moi de Guillaume. Merci à toi. C'est un plaisir, merci. Merci Arnaud pour la technique. À Tom. Désolé. Sinon Arnaud a bien changé. Merci à tous et à ceux qui nous ont écoutés, évidemment les auditeurs. Le son de la semaine, ça sera le but de l'ancien Rennais, Quintero, lors de ce Super Classico Boca contre River, délocalisé au Bernabéu de Madrid. Victoire, je le rappelle, du River Plate, qui gagne la Copa Libertadores aux dépens de son ennemi de toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission spéciale Quiz de fin d'année. Yes. Soyez au rendez-vous, bonne soirée à tous. On va et cuisiner, les gars. À la prochaine. Bye bye. Salut, bonne salut semaine. À tous, bonne soirée. Quintero, Álvarez, Masada, pelota para Quintero, attention, Quintero! Gol! De River! Juan Fernando Quintero! A los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores. Radio Campus Montpellier. Allez, allez, allez. 102.2.